I wanna know your name. You just kill me. Could you at least do that? I wanna know your name. Or better yet, stay in there. Just do that. I wanna know your name. Pour terminer le Before Party Fun sur Fun Radio, Swedish House Mafia avec One. Adrien, tu reviendras à minuit pour Party Fun avec encore des nouveautés, des tubes. Ce soir, ouais, le nouveau Nicky Romero, franchement, qui est génialissime. Il avait fait une version instrumentale de ce morceau et puis là, il a mis un vocal. Il sera avec nous en plus cet été à l'Electro Beach Music Festival. Enfin, je dis cet été, c'est l'été aujourd'hui, mais c'est dans 3 semaines, hein, c'est ça? C'est ça. Donc, le nouveau Nicky Romero ce soir, franchement, c'est mon coup de cœur. Soyez là à minuit. Et pour l'instant, 20h, le Vin Fun avec le Doc et Karel. Ouais, on est là, salut. Ah bah attends, je te laisse le morceau si tu veux. Ah ouais, putain. En qu'est-ce plus, que c'est bon, et voilà. Ils disent I wanna know your name. I wanna know your name, name, name, name. Non. Mais ils aiment les names. Les ouais. names. Les names, oh, oui, c'est ça. Ah putain, non, pas cette vanne, merde. Non, mais les gars, oui, ta vanne. Je vais venir, elle est arrivée à 200. Je préfère les know your name, name, name, name, name, name, name. Ah, ouais. Là, ça okay. me rappelle un truc. Non, non, mais en tout cas, c'est vrai qu'on sait vendre la musique aussi, en plus de ici. Ça, ah, tu sais quoi, dans 2 jours, quand on l'écoutera à Ibiza, ce son-là aura une saveur particulière devant un beau coucher de soleil. C'est vrai, parce que bah, jeudi et vendredi, on arrive à Ibiza en direct, toute la famille Fun Radio. Ça, c'est énorme. Et vendredi, entre 16h et 20h, Karel, je compte sur toi parce que c'est une émission spéciale en direct d'Ibiza avec tous les animateurs de Fun Radio. Ah, bien sûr, je serai là. Et ouais. avec Yoran Alice, je sais. Ouais. Ouais, exactement. Et je vous prépare quelques petits défis. Ah ouais, ouais. Et tu sais quoi, tu vas finir dans la piscine, je te le dis tout de suite. Toi, tu vas pas faire long feu. Prends ton plus beau maillot de bain. Ouais, pas de problème. Et Karel aussi. Pas de soucis. Bonne émission. Salut les gars. Ciao. Fun Radio. Radio. Tous les soirs. 01 42 48 5000. Love in Fun. Love in Fun. Avec Doc et Karel. Love in Fun. Du sexe, de l'amour et du fun. 20h, 22h. Sur Fun Radio. Et bonsoir, soyez Salut. Tous les bienvenus sur Fun Radio. Très content d'être avec vous. On va passer la soirée là tous ensemble sur Fun Radio. Au standard 01 42 48 5000. C'est le numéro de téléphone pour nous appeler. Vous venez ici pour délirer avec nous, pour poser vos questions. Et on fait de la vraie radio libre hein, tous ensemble avec une équipe de compétition. À commencer par notre médecin en chef. Oui, salut. Salut à toutes et à tous. Salut Doc. Salut Cassie. Bonne fête de la musique à tous. Ouais. Bien, oui, c'est vrai, c'est la fête. Et comment ça se fait qu'on n'a pas Jack Lang ce soir dans l'émission? Oh, c'est dommage. Ben, on pense lui. Ah bah bien sûr. Il est tellement content, il suffit qu'on le dise, il est très content. Ah ben bah, c'est sûr, il qu'on le cite, c'est lui qui l'a créé, il est content comme ça. Comment ça va Cassim? Ça va très bien. Hey, ce matin je suis passé à RTL et j'ai chopé son numéro à Jack Lang si vous voulez. Tu veux qu'on appelle Jack Lang? Si tu veux. Allez, vas-y. Ah, oui, en fait, il est au Liban là. Ah bon? Attends, tu veux l'appeler maintenant? Vas-y, on l'appelle. Vas-y, attends, on appelle Jack Lang, on a une petite pensée pour lui. Jack Lang, pour ceux qui ne le savent pas, c'est celui qui a inventé la fête de la musique. C'est le ministre de la culture de Mitterrand. Qui est la fête de toutes les musiques. Ouais, de toutes les musiques, oui. C'est la fête de tout le monde. C'est la fête du printemps. Ah, c'est génial, franchement. Je sens les conneries quand même. Après la radio, moi je vais me promener un petit peu dans Paris justement pour. Ah ouais, c'est vraiment au Liban. On appelle au Liban. Jack Lang. Je sais pas s'il va décrocher vu que c'est un numéro inconnu. Je le connais bien. Il décroche toujours, lui. Bien sûr. Oh. Ah, okay. Attendez, on m'appelle. Ah oui, mais il répond pas. Bah alors, c'est quoi ton numéro, Cassim? Bah, c'est son numéro, mais... Ah, non. 06. Bon, tu sais quoi, t'emmerde pas, appelle David Guetta. Okay. On le fera tout à l'heure, Comment ça va, Alice? Bah écoute, ça va très bien, et j'en profite pour vous dire qu'on a lancé enfin le concours concernant les t-shirts Karel & Co. Donc rendez-vous sur le Twitter de l'émission et sur le Facebook également. Voilà, donc il y aura plusieurs chances de gagner, les personnes sur Facebook et aussi ceux sur le hashtag LoveInFun. Donc n'hésitez pas, partagez, publiez, likez, et voilà, on vous inscrit et le tirage au sort, on vous dira tout ça vers minuit environ. Bah ouais, carrément. Voilà. Et ça, c'est énorme. C'est des mecs qui sont venus hier, en fait, qui ont créé une marque de t-shirt qui s'appelle Karel. Exactement. Et ils sont super cool. Ils nous ont filé un stock de t-shirts. Donc, allez-y. Tweetez avec le hashtag LoveInFun et partagez un maximum. Likez la fanpage de l'émission. LoveInFun, il y aura un tirage au sort avant la fin de l'émission. On accueille Christophe. Salut Christophe. Salut Christophe. Ouais, bonsoir. Ouais, bonsoir. On est à Clermont-Ferrand, on est chez Doc. Non, non, ça va, Ah, oui, géographie, c'est pas étonnant. Oh non, merde. Tu vous imaginez le mec qui passe le bac? Non, non, t'es de Besançon, Doc. Ouais, t'es de Besançon. C'est la Franche-Comté, c'est pas la même chose. C'est pas l'Auvergne, tu cours Auvergne. Non, non, mais je sais pas pourquoi, je me suis dit que t'étais de là-bas, mais c'est vrai que t'es de Besançon, t'es de Franche-Comté. Enfin, je suis né là-bas. Oui. Christophe. Oui. Christophe, à Clermont-Ferrand, ce soir, on écoute Love in Fun, on appelle pourquoi? Eh ben, en fait, parce que moi, ce qui se passe, tu vois, c'est que je me fais draguer par les mecs. Tout le temps? Ouais. Au moins, tu te fais draguer. Ouais, mais bon, voilà, je suis pas de ce bord-là, moi. Mais en fait. Est-ce que, ben, y a pas de question de bord. Est-ce que tu dragues des filles? Ouais. Est-ce que tu sors avec des filles? Non, il se prend des râteaux. Oui, oui. Non. Bah, c'est pas grave, tu dis non. Non, il se fait des mecs. Bah ouais, les mecs, pourquoi les mecs dragueraient pas d'autres mecs s'ils sont homosexuels? La seule chose, c'est que tu dis je ne suis pas homosexuel avec le sourire. Tu sais, mais en fait, c'est même pas en ville et tout, c'est sur un site de chat, en fait, tu vois. Ouais. Ah oui, bien sûr. Ah ouais, non, mais faut savoir que la plupart du temps, sur les sites comme ça, il y a que des mecs, en fait, qui sont chiens et. Il y a très peu de filles, ou alors souvent c'est des opératrices, tu sais, c'est des filles qui sont payées par le site. Ouais. Enfin, moi j'y vais pas, mais on m'a raconté. C'est ce qu'on m'a dit. Moi, c'est que voilà, ça se passe que comme ça. En fait, Karel était dessus il y a quart d'heure. Non, mais bien sûr, non, mais c'est ça. Qu'est-ce qu'il faut. Quand on se fait draguer par les mecs. Mais je pense qu'il faut pas. Le danger, c'est vraiment la réaction agressive. Si on ne se sent pas attaqué dans sa sexualité, il dit avec le sourire, non, je ne suis pas intéressé. Comment une fille fait lorsqu'un mec la drague? Il dit, non, je ne suis pas intéressé. Bah, les mecs, c'est la même chose, c'est aussi simple que ça. Je pense qu'il faut dire les choses avec beaucoup de simplicité. Mais de faire monter avec le sourire. Bah, raconte-nous la dernière fois qu'un mec t'a dragué, comment ça s'est passé? Qu'est-ce qu'il t'a dit? Ben, en fait, bah, voilà, il me disait, ouais, j'ai envie de te sucer et tout ça. Et moi, j'ai dit, écoute, moi, je recherche une femme. Et en fait, le mec, il a insisté et tout. Et à la force d'insister, ça a commencé à m'énerver. Et puis, Alors, c'est le côté un petit peu des homosexuels, de certains qui disent « Oui, mais t'es pas homo parce que t'as pas goûté. » Oui, c'est ça. tant que t'as pas eu ton truc dans les fesses, tu peux pas savoir. Je trouve que c'est un petit peu tordu, ça, quand même. Ouais, bien sûr. Avec Christophe, ce soir, je sens que t'as besoin d'amour, t'as besoin d'une femme. Voilà. Comment tu es physiquement, Christophe? Bah alors, je fais 1m73 pour 58 kilos. Oui. J'ai les yeux clairs. Oui. Les cheveux un peu blonds. Et tes passions dans la vie, c'est quoi? Alors, mes passions, bah, je fais du sport. Ah, tu pratiques quoi? Bah, je fais du footing, un peu de muscule, et puis je me suis mis à la boxe thaï. D'accord. Et mais je crois que t'avais des filles dans ta vie, non? Bah, j'en avais eu, mais pas pour l'instant, là. Ah oui. Christophe cherche l'amour du côté de Clermont-Ferrand. Les filles, vous êtes célibataires. Et tombe sur des mecs, c'est quand même pas sympa. Ah, oui, d'accord. Bon, alors, si vous êtes un mec, ça l'intéressera pas. Hein. Je vous le dis tout de suite. Salut Christophe. On a passé le message. Salut à toi. Ok, ça marche. Ciao. Tu raccroches pas. On va te filer pas Love in Fun. On a Mathieu qui est avec nous, 14 ans de Marseille. Salut Mathieu. Salut Doc, c'est Karel. Salut. Mathieu, t'appelles pourquoi? Ben moi, j'appelle pour savoir si c'est bon de prendre des vitamines avant les épreuves. Ah bah, on demandera pas à Cassim qui n'a pas eu son brevet. C'est le brevet que tu vas passer, toi, Mathieu. Ouais, c'est ça. D'accord. C'est psychologique, surtout, mais pourquoi pas. C'est jeudi et vendredi, le brevet des collèges. Ah, ça, c'est important. On va vous aider à être au top pour vos révisions. Et voici là, maintenant, The Chainsmokers. I'm The Chainsmokers sur Fun Radio. 20h, 22h. Sur Fun Radio. J'ai un truc de dingue qui m'arrive, Doc. Oui, vas-y. Sur mon téléphone, parfois, quand je me connecte, genre, enfin, je tape mon code et tout machin, il y a une petite icône en forme d'œil. Si ça se trouve, on m'a piraté mon téléphone. Oui, certainement. Et on peut voir tout ce que je fais. Oui. Eh ben putain, ils vont pas être déçus les gens. Je te le dis tout de suite. Hein. Dites-moi si vous savez ce que c'est ce petit œil là. Je sais pas du tout ce que mais ça attends, veut dire. Mais attends, ça a vraiment une forme d'œil. Mais je te jure. Tu sais, je vais le voir encore. Oh, mais attends. Tu sais, et tu veux que je te dise ? C'est un problème. On s'en fout. Toi, tu t'en moi, je veux parler à Mathieu. Bah, toi, tu t'en fous peut-être. Bah, il est avec nous, Mathieu. On va l'accueillir. Ah bah voilà. Peut-être qui c'est. Le mec qui est parano là. Attends, Doc. Bonne psychothérapie. Si ça t'arrivait, peut-être que tu réagirais pas comme ça, Mathieu. T'es là ? Là, je l'ai tout le temps. Ouais, je suis là. Bienvenue Mathieu, t'as 14 ans, t'es à Marseille. Salut. Salut. Bienvenue Mathieu. Alors tu vas passer quoi toi là bientôt là ? Le brevet. Ah, ok. Ça c'est important. Ah bah oui, ouais. Tu m'étonnes. Et t'as peur facile, un peu ? T'es un peu peureux là ? De quoi ? T'as un peu peur, tu stresses, tu... Non, non, c'est bon, j'ai de bonnes notes, ça va. Bah voilà. Alors tu veux savoir quoi ? C'est une formalité quoi, le brevet. Je voudrais savoir si c'est bon de prendre des vitamines avant les épreuves, parce que je me suis dit, si je veux, genre je me dopais avant. Non mais je vais te dire, la vérité c'est que les gens donnent de la vitamine C à haute dose et en fait la réalité c'est que tu pisses 95% de cette vitamine C donc ça ne sert à rien. En fait si tu manges des fruits tu vas manger de la vitamine C naturelle. En fait, je vais te dire, il faut d'abord bien dormir et bien t'hydrater. Je suis désolé, je le dis souvent mais c'est important. Si tu veux être en forme c'est cela, plus que les vitamines. Et en revanche c'est l'effet psychologique, j'ai pris une vitamine, je me sens mieux, voilà c'est tout. Bah oui. Et ouais, alors c'est ça. Pourquoi pas, moi je dis ça pour tous ceux qui ont bouffé de la vitamine C en tube. Des litres. Tu vas être complètement défoncé, Mathieu, si tu prends la vitamine C. Heureusement, la vitamine C, ça défonce pas. Hein, bon. C'est quoi les effets de la vitamine C, Doc ? C'est pas placebo, le truc ? Genre, ça te dit que ça te fait un truc, mais ça te fait rien, quoi. C'est exactement ça. Oui. Ah ouais, donc ça sert à rien, non, en on fait. On a tous besoin de vitamine C. Et Juvamine. Le scorbut. Juvamine, quand Juvamine, je Juvamine, ouais. C'est vrai, ça c'est de la, ça s'appelle de la pub. Ah ouais, bah. Le scorbut, c'était une réalité. Quatre fois à la suite, il a pas ça. C'est ce que c'était, le scorbut ? Le scorbut ? Chez les marins bretons, on le sait, ça. Ah bah écoute, j'étais pas marin encore, donc. Parce que lorsqu'il voyageait, il n'avait pas de fruits frais, il n'avait rien, donc il n'avait pas d'aliments à base de vitamine C. C'est une carence en vitamine C. Donc il prenait du scorbut. Donc le scorbut, c'est une maladie, tu sens une saine gencive et tout ça. Et quand tu reprenais de la vitamine C, ça. Donc effectivement, la carence en vitamine C peut exister. Sauf que vous mangez des fruits, des légumes et tout, vous en avez dans l'alimentation tout à fait régulièrement, il n'y a pas de problème. D'accord. Donc Mathieu, il va falloir que tu boives beaucoup d'eau par contre. Ça, Doc, il y tient. Ouais, d'accord, ouais. Pour les révisions, c'est important. Comme ça, tu vas pisser pendant tout ton contrôle. Tu te lèves. Tu vas être en galère. Tu te lèves. Est-ce que je peux aller faire pipi, s'il vous plaît, madame ? La gruge dans les chiottes. Ah, ça, c'est toi qui poursuis. Bah, bien sûr. Et voilà, et après, t'as une bonne note. De toute façon, Mathieu, c'est contrôle continu le brevet. C'est ça, hein, t'as une moyenne là-dessus. Et après, tu passes ton épreuve, c'est la première épreuve, mais bon. Non, mais c'est bien, c'est petit entraînement. Tout le monde a eu son brevet dans l'équipe. Non, il n'y a pas Cassim. Alice a eu ton brevet. Bah oui. Attends, Cécile et Cassim ne l'ont pas eu ? Ah, moi j'ai, de mon temps, je n'ai pas passé le brevet. Ah, tu vois, on est deux. J'étais un des rares. Parce que je m'en foutais. Mais Doc. D'accord. J'ai eu le bac, mais je n'ai pas le brevet. Mais pourtant, tu sais. Attends, quand je suis allé à l'armée pour le conseil de magistrat, mais comment ça, vous n'avez pas le brevet ? Vous avez le bac ? C'est pas possible. Vous mentez, monsieur. Ben, je dis, si, je n'ai pas passé le brevet. Je ne sais pas si c'était un lieutenant, je ne sais pas quoi. Mais c'était obligatoire, le brevet ? Pas du tout. Ah bon ? Non. Et le mec ne me croyait pas. Il disait. Il nous donnait, je crois, avant. Ah ouais, mais non, à l'époque, au doc, quoi. Attends, 1810. À l'époque, il ne le donnait pas et les gens avec le brevet entraient dans l'administration avant. Maintenant, tu peux même pas te torcher le cul avec. Ah, ça, c'est du papier de mauvaise qualité. Non, mais c'est un truc, voilà, c'est une première, un premier truc, une preuve. Voilà, une première épreuve, oui. Mais c'est bien dommage que ça ne scelle pas un apprentissage qui puisse te servir. Bon, en tout cas, Mathieu, nous on te souhaite bon courage et bon courage à tous ceux qui nous écoutent et qui révisent parce que on dit que c'est facile, mais faut quand même l'avoir. Oui, bien sûr. Et si jamais vous l'avez pas, vous pourrez peut-être devenir Cassim à l'arrêt. Hein, vous voyez, voilà, c'est peut, cool. Hein. On peut réussir sans son brevet, enfin. Grave. Pas si réussir. On peut, si on peut appeler ça une vraie réussite. Hein, je sais pas. Salut à Mathieu et bon courage à toi, mon poteau. Merci, je prends un taxon. Ouais, tu raccroches pas, on va te filer ça. On est à Nantes là avec un autre Mathieu qui est là. Salut Mathieu. Salut Mathieu. C'est Mathias. Ah, c'est Mathias. C'est voilà. Et bah, c'est marqué Mathieu, bah, c'est Mathias. Tu veux ou tu veux pas. Tu vas appeler qui et tu vas demander quoi? Alors moi, je voudrais appeler mon frère pour lui demander si je peux partir en vacances avec lui et ses potes. Ah, tu m'étonnes, c'est ton grand frère. Il a quel âge, frère? Mon frère, il a 18 ans. Ah oui. On l'appelle dans un instant, on écoutera Aloha, Môme sur Fun Radio. Hey guys, the radio of Kygo is Fun Radio. Aujourd'hui, vous les entendez partout. La première fois, c'était sur Fun Radio. Martin Garrix. Imani. Era Istrefi. La radio où démarrent tous vos tubes préférés. C'est Fun Radio. Le son Dance Floor. Salut. Salut, c'est Pierre Cross. On se connaît? Ben, je fais des vidéos marrantes sur Internet. Ah oui? Oui, et j'ai une exclue. Bouygues Télécom fait gagner tous les jours des cartes SIM sur goldensim.fr. C'est une blague? Non, avec 4G illimité pendant 2 ans. Très drôle. Non, mais je te jure que c'est vrai. On aime tous la technologie. Pour ses 20 ans, Bouygues Télécom vous offre une chance de gagner 2 ans d'appels, SMS, MMS et 4G illimité sur goldensim.fr. Du 6 au 21 juin, voir conditions sur le site. Golden SIM égale SIM en or. Tu as vu? Je Change lance son opération 10 jours pour tout changer. Mais changer quoi? Énergie, internet, assurance. Sur 10jourspourtoutchanger.fr, il y a des offres exclusives pour réduire toutes ses factures. Et 30 euros en bon d'achat sont offerts pour toute souscription. Et en plus, Je Change s'occupe de tout. Offre du 20 au 30 juin. Conditions sur 10jourspourtoutchanger.fr. 10jourspourtoutchanger.fr. Fun Radio présente Fun Party Fun Live. Le 23 juin à Marseille. Faites du bruit, Marseille! À l'occasion de la Soch Freestyle Cup, Fun Radio investit la plage Borély le jeudi 23 juin avec sur scène Bob Sinclair et Big Ali, Jonas Blue, Lumberjack, Tini Tampa, Damien Hendrix et Benny Benassi. Attention, événement à vivre en direct sur Fun Radio à 19h30. Marseille, on est en direct sur Fun Radio. Party Fun Live. Plage Borély à Marseille. Un événement Fun Radio. Le son Dance Floor. Vous le savez peut-être pas, mais avec EDF, vous pouvez souscrire un contrat d'électricité directement avec l'application EDF et moi. C'est même possible pour le gaz. Et comme tout se fait avec l'appli, vous réalisez vos démarches quand vous voulez. C'est tout de suite plus simple, surtout si vous êtes en plein déménagement. Facilitez vos démarches, ça fait aussi partie des engagements EDF et moi. Plus d'informations sur nos offres d'énergie sur edf.fr. L'énergie est notre avenir, économisons-la. Sarenza.com. Chez Sarenza, c'est bientôt les soldes chaussures. Vanessa, responsable des prix chez Sarenza, prépare de sérieuses réductions. Hé, hey, on fait jusqu'à moins 60% sur les chaussures dès le premier jour des soldes. Non, Vanessa, t'es sérieuse là? Pendant ce temps-là, nos clients font leur repérage sur l'appli Sarenza. Nike, Clarks et Adidas sont déjà en attente de validation dans mon panier. Oh wow. Merci. Et mercredi, s'il te plaît, réveille-moi à 7h59. Les soldes Sarenza, ça ne plaisante pas. Rendez-vous demain à 8h cliquante. On finit par l'Australie après un mois en Asie avec les sacs à dos et hop, retour en France. T'as vraiment de la chance. Et comment tu fais pour ta glycémie? T'inquiète, j'ai tout prévu. J'ai un nouveau lecteur directement connecté à mon mobile. Avec le nouveau lecteur de glycémie OneTouch VarioFlex, vous savez clairement où vous en êtes. Vous pouvez également gérer vos résultats via l'application mobile OneTouch Reveal et continuer à vivre pleinement. Ok, t'as vraiment tout prévu. Je peux me glisser dans ta valise? OneTouch, à vos côtés pour avancer. OneTouch VarioFlex est un dispositif médical de diagnostic in vitro de LiveScan. Consultez la notice, contactez votre médecin ou votre pharmacien. Maïf, c'est quoi une meilleure assurance habitation? Alors, au fait, ton emménagement, ça s'est bien passé? Ah ouais, super. Mes nouveaux colocs sont au top. Et comme l'assurance habitation est à la Maïf, j'ai rien eu à faire. Ah bon? Ouais, tout était déjà assuré. Même mon ordi, mon téléphone, mon vélo. Ah ouais, t'es avec des pros de la coloc, là. Ouais, j'avoue. Et dis-moi, tu penses qu'il resterait une petite place? Maïf First, assurance habitation pour les locataires et colocataires de moins de 30 ans. On a tout à gagner à se faire confiance. Maïf, assureur militant.

Alors, ben, moi, j'ai envie d'appeler mon frère pour lui demander si je peux partir en vacances en Espagne avec lui et ses potes. Comment tu t'entends avec lui? Oh, ben, je m'entends bien, ça va. On a une bonne complicité. Ok. Il y va avec ses potes et ses copines? Ouais, je crois qu'il y a deux, trois meufs, mais je sais pas qu'il y a sa copine. Est-ce que tu es déjà sorti avec lui, comme ça, avec ses copains? Ouais, des fois, ouais, genre donc, dans le village, mais c'est tout. Ah, ah bon, dans le village. Donc, oui, mais bon, avec ses copains quand même. Il t'a pas mis de côté, il t'a pas dit casse-toi. Non, voilà. Ça va encore. Et tu penses qu'il va te dire oui ou il va te dire non? Alors, ben, j'ai des doutes. Donc, c'est pour ça que je passe par la radio. Ça sera, d'accord. Ça sera. Parce que moi, je pense qu'il va te dire non direct. Hein. C'est-à-dire que c'est ses vacances, il n'a pas ramené son petit frère, quoi. Il aurait juste envie de plus voir vos gueules, à mon avis. Mais bon, on va essayer de le convaincre. C'est parti. On appelle Valentin. Tu veux ou tu veux pas me laisser partir en vacances avec toi et tes potes et tes copines? Hein? Surtout mes copines, oui. Ouais. On y va. Allô? Allez, vas-y, parle. Non, allô, il est là? Attends, on avait un son chelou, là, on rappelle. Ouais, rappelle. C'est ça. Ah, c'est un standard bulgare que j'ai ramené ce week-end, il n'est pas encore au point. Ah, je suis en train de le rafistoler, là. Attends. Ouais, c'est bon, ça devrait aller. Allô? Allô? Allô, Valentin? Oui? Ouais, c'est Mathias. Ouais, qu'est-ce que ça va? Bah ouais. Mais qu'est-ce que ça, pourquoi tu m'appelles? En fait, je voulais te demander un petit truc. Tu veux, ouais, ou tu veux pas m'amener en... Tu veux ou tu veux pas m'amener en vacances avec toi et tes potes et tes copines? Attends, tu veux venir? Ouais. Ben non, enfin, j'y vais avec mes potes, donc non, mais c'est mort. Et en plus, tu l'as déjà demandé, non, mais c'est mort, non. Ouais, mais allez, on part pas, il y a rien à faire à Nantes, vas-y. Ben ouais, mais non, c'est mort, on y va entre potes, il y a des copines qui viennent avec nous, tu peux pas boire, tu peux pas rentrer en boîte, j'ai pas envie d'être responsable de toi, quoi. Ouais, mais après on le dit pas aux parents. Bah, c'est pas qu'on le dit pas aux parents, mais c'est que j'ai pas envie d'être responsable de toi si t'arrives quelque chose. Hein. J'ai pas envie de t'emmener au club Mickey tous les jours, quoi. Oui, non, mais je vais pas faire le con non plus. Ouais, mais attends, t'as 15 ans, non, mais attends, non. Encore si t'étais plus vieux, non, c'est mort. Il a bientôt 16 ans. Ouais, mais c'est non. Ouais, voilà. Bonsoir Valentin. En plus, je m'appelle avec tes potes. Ouais. Non, ouais, oui, c'est avec ses potes, oui, On est ses potes, ouais, c'est clair. On est même plus vieux que toi. Tu vois? Et nous, on t'emmène en vacances avec nous, Mathias, si tu veux. On va dans la maison du doc cet été. On va faire des grandes partouzes. T'es en direct sur Fun Radio, Valentin. T'as vraiment envie de faire des partouzes? Ça te torture, ça? Ah non, mais c'est que tu arrêtes pas de m'en parler tout le temps. Moi, j'aurais jamais de la vie. J'ai jamais fait ça. Jamais partouze de ma vie. Mytho. Non, c'est toi qui es mytho. Valentin. T'es en direct sur Fun Radio dans la Vin Fun. Ouais. D'accord. Et ce soir, Mathias nous a appelé dans le tu veux ou tu veux pas, parce qu'il savait que ça allait pas être facile de te faire avaler la pilule. Il a absolument envie de se casser à Barcelone cet été avec toi, parce que voilà, il en a marre d'être dans son petit village là. Tu vois, il faut qu'il bouge. Il a grandi maintenant, non? Non, mais ouais, mais je comprends. Mais j'y vais avec des potes, quoi. Enfin, on va boire et tout. On va fêter. On va simplement dire quelque chose à Mathias. Valentin, quand t'avais 15 ans, t'as passé tes vacances où? Moi, je l'ai en colo. Voilà, Mathias. Ouais. 15 ans, c'est l'âge pour aller en colo ou ailleurs, d'accord? Ouais, c'est vrai que c'est pas mal, la colo. Ben voilà. Franchement. T'as la réponse, Mathias. Ton frère, à ton âge, il s'est pas barré en Espagne avec des potes en boîte de nuit à picoler, tu vois. Pourquoi tu t'organises pas, Mathias, pour partir avec tes potes dans un camping, par exemple, pas loin de chez toi? Ça, c'est les premières vacances que tu passes avec tes potes. Moi, c'est ce que j'avais fait. Pourquoi t'essaies pas de faire ça? Ouais. Parce que c'est mieux de partir avec en Espagne. J'entends bien, mais ce sera pas possible. T'as compris? Est-ce que tu as compris, Mathias, que c'était non? Oui, j'ai compris. Mais donc maintenant, il faut que tu t'organises pour essayer de passer des putains de vacances, draguer des filles, etc. Et le meilleur moyen, c'est quand même de se faire un camping avec les poteaux, quoi. Ouais, sous la tente, c'est pas mal. Ah, ça, c'est pas mal. Hein, Mathias, on en fait des saloperies sous la tente. C'est ce que je vais dire. Des saloperies, t'appelles ça des saloperies, c'est pas des saloperies. Oui, bah bien sûr. Si on pourra aller au ciné, hein. Ah oui. Bah, voilà, par exemple, est-ce que t'es OK pour ça, Mathias? Bah oui, je vais essayer. Ouais. Et Valentin, tu pourras l'aider quand même pour s'organiser et tout? Ouais, mais ça va être chaud, le gars. Enfin, il a 15 ans, quoi. Mais 15 ans, ça va, c'est bon, il a pas 12 ans, quoi, tu vois. Oui, mais pour partir en vacances avec ses potes, sans parents et tout, enfin. Bah justement, chaud, le camping, c'est pense, top. Je pense que c'est pas facile. Effectivement, il faut probablement ouais, une aussi, structure d'accueil. Ça s'appelle la colonie de vacances. Hein. Mais il y en a partout des campings à 10 km de chez toi, je suis sûr. Et sûr c'est ouais. Voilà. Même dans son jardin, banquier. Pourquoi pas. Oui, voilà. Tant que tu dors pas, tant que tu rentres dans ta maison, tout est possible. T'attends de Quechua, tu as des rôles, ouais. C'est... Et en deux secondes, hein, deux secondes, c'est monté. Mathias, tu raccroches pas, on va te repasser Valentin en antenne, oui. Vous allez gérer tout ça là au standard, okay. D'accord? Salut. Salut Mathias, merci. Bien salut. Tenté, bien tenté. Thomas est avec nous, 16 ans de Paris. Bonsoir Thomas. Salut, salut Thomas. Bienvenue. Salut. Alors Thomas, t'appelles pourquoi? En fait, moi je voulais savoir si le sable pouvait rentrer dans le trou de la bite. Du sable. Ah ouais, non mais n'importe quoi. Ah. On aura tout entendu dans cette émission. Ça s'appelle l'urètre, le trou de la bite, c'est ça, ouais, Doc, hein. Le canal. Ah, oh, c'est horrible. L'orifice c'est horrible. Urétral et l'urètre. Oui. Voici DJ Snake et les dangers de la plage dans un instant pour les hommes. Vous l'avez découvert en exclu mondial sur Fun Radio, c'était la nouvelle bombe de DJ Snake, Talk. Si pour vous, la moule n'est qu'un fruit de mer, vous devriez peut-être écouter Love in Fun. 20h, 22h sur Fun Radio. 01 42 48 5000 pour nous appeler, le numéro de téléphone et des messages sur les réseaux sociaux. Hashtag Love in Fun, le Facebook de l'émission Alice. On a reçu un message de Martin qui nous dit qu'il kifferait vraiment faire de la danse, sauf que tout le monde lui dit que c'est vraiment trop féminin pour un mec. Et du coup, bah, il se demande ce qu'on en pense. Faut sortir le dimanche. Hein. Sans déconner, la danse c'est masculin aussi. Fort heureusement. aller dans les clubs de dancing, j'en danse, et puis vous savez, tu vas dans les valses musettes, Doc. Non, non, mais pas du tout. Je connais des gens très très jeunes qui vont dans des soirées pour danser toutes sortes de danses. Et bien des gens très jeunes, de moins de 30 ans. Ouais, moi je fais un parce petit peu de danse. Ils adorent danser. Danser toutes sortes de danses, et puis vous avez quand même l'opéra, quoi. Il y a quand même des danseurs étoiles, faut arrêter de déconner. Et un autre message d'Aurélie, je suis allergique aux chats, mais j'adorerais vraiment en avoir un. Est-ce que c'est possible de vaincre ces allergies? On peut voir un allergologue et tenter de se désensibiliser. Oui. Ça marche à tous les coups, non? Et puis, ça peut marcher. Alors, je sais qu'il y a une race de chats auquel tu n'es pas allergique et qui vaut une blinde, en revanche. Ça vaut très cher. Ah, mais c'est ceux qui n'ont pas de poils, non? Entre autres, oui, peut-être. Pas forcément. Mais je sais que ça a été. Voilà. Après. Moi, ça m'intéresserait, franchement. Tu peux pas ramener le truc et me faire le truc, là, Doc, à la radio? Non, un test, un bon allergologue, un test cutané. Et tout putain, mais t'es médecin, ramène-moi un allergologue là. Ah, c'est vrai, tu peux pas avoir de chat quand t'es allergique au chat, quoi. Ah, vaut mieux éviter. C'est pas le chat sibérien? Non, le sibérien. Ok, bon, j'ai essayé. Voilà. Je le dis, hein, comme ça, vous le savez. Parce que c'est celui qui est hypoallergénique sur Internet. Ah, c'est possible. Le chat sibérien qui est en général, voilà. Mais je t'en prie, Karel, reprends. Parce que si c'est. Non, mais je savais pas, peut-être que t'as raison. Doc a trois chats chez lui à la maison. Tu t'en occupes bien de tes chattes. J'ai un mâle et deux femelles, mais que je vais en partie, parce que bon, c'est compliqué. Tu vas les vendre, Doc? Non, je les ai donnés. Ah, tu les donnes? Bah, ça, c'est bien. C'est déjà donné. Non, mais attends, t'as des connards qui s'en débarrassent. Hein. Non, ça, c'est honteux. Non, mais avec la garantie de ne pas le laisser. Voilà, de ne pas l'abandonner, tout ça. Bien sûr, bah, ça, c'est important. Ali est avec nous. Il a 12 ans. Il est de Clamart. Salut, Ali. Salut, Ali. Salut. Salut, Karel. Salut, toute l'équipe. Bienvenue, salut. Ali. T'appelles pourquoi? Pour savoir à quoi ça sert la masturbation. C'est à quoi une ça bonne sert question. À éprouver du plaisir, parce que la nature t'a programmé ainsi. Lorsque tu acquiers ta maturité sexuelle, tu as besoin d'exprimer, ça s'appelle la libido, ta sexualité. Et donc, c'est tout à fait naturel, ça donne du plaisir jusqu'à l'orgasme. Voilà. T'as déjà essayé? C'est une pulsion. Ali? Non. Jamais? Ben non, mais t'es pas pubère, t'as pas de poils encore. Si, j'ai des poils. Ça commence doucement. C'est le début. Tu verras. À un moment donné, après, tu seras attiré, tu auras envie de tirer dessus. Envahi par la testostérone, tu vas être cerné. Ouais, ça c'est clair. Putain, non mais c'est horrible. Quand t'as 13-14 ans, tu n'arrêtes pas de bander. Ah oui, tu sûr. Bandes tout le temps. En cours, tu bandes. Tu fais de la console, tu bandes tout le temps. Et dès que t'es pubère, oui. Tu vas voir, c'est ce qui t'attend, Ali. Et ce n'est pas sale. Salut, Ali. Oui. Est-ce que je peux passer une dédicace? Allez, vas-y. Grosse dédicace à ma classe de 5e C, au collège des Petits-Ponts, à Massilia, à Rémi, à Thomas, à Jade et à Lucas. Eh ben, ça fait du monde. Avec la petite voix qu'il a, il n'est pas très pubère. Ça n'a pas tardé, ça n'a pas tardé. Salut à tout le monde là-bas et on accueille maintenant Thomas. Thomas, salut. 16 ans à Paris. Salut Thomas. Salut Karel, salut l'équipe. Salut. Bienvenue Thomas, t'appelles pourquoi? En fait, moi je voulais savoir, du coup cet été je pars à la plage et en fait je voulais savoir si c'est dangereux, s'il y a du sable qui rentre dans mon urètre. Bien sûr. Dans le canal de la verge. Mais il n'y a rien qui rentre dans l'urètre. Alors déjà, si, attends, je vais te dire très bien. D'abord, il faudrait être à poil. Deuxièmement, quand tu n'es pas en érection, c'est un canal qui est fermé. C'est fermé. Quand tu es en érection, ça peut s'ouvrir. Ou quand tu vas pisser, évidemment. Mais quand tu vas pisser, tu élimines, donc ça ne rentre pas. Ouais. Mais en érection, ça peut être un peu béant. Oui, ça peut rentrer. Donc, il ne faut pas bander sur la plage. D'accord. Donc, on évite de mettre sa tête dans le sable pour faire des trous. Et genre, pour se masturber, non, t'évites. Alors, moi, j'ai vu un truc horrible, Doc. Une ou deux fois dans ma vie, il m'est arrivé de tomber sur des expériences un peu cheloues comme ça sur Internet. On tombe dessus. T'as un mec qui se mettait une petite barre dans l'urètre. Oui, bien sûr, ça s'appelle un cathétérisme. Mais c'est pas c'est terrible. Quoi un cathétérisme? Non, tu peux, oui, on met des sondes dans l'urètre. Tous les mecs ont mal à leur teub, là. Faut savoir, les filles, que c'est un endroit qui est hyper sensible et extrêmement douloureux. Il y a des hommes à qui on met ça parce que c'est une nécessité, oui. Ah ouais? Par exemple, oui, oui. Mais pourquoi on met ça? Lors d'une intervention extrêmement longue, il faut qu'il soit sondé pour éviter les globules urinaires. Donc, on passe une sonde urinaire qui va dans la vessie, ça passe par là. D'accord, et je leur souhaite bon courage, en tout cas. Bon, non, c'est rassuré, pas pour les petites interventions. Thomas, t'es rassuré pour le sable quand même? Ouais, mais s'il y en a un peu qui en rentre. Tu pisses et ça part. Bah voilà. Non, mais attends, Thomas, t'as une phobie ou quoi? Oui, j'ai un peu la phobie de ça. C'est vrai que ça rentre dans ton urètre? Bah, je sais non, pas. Mais sinon, quand tu vas à la plage, mets une capote. Hein. Bah voilà, c'est ça. Tu sors tout le temps couvert en fait. Ça peut être la solution. Non, mais Thomas, voilà. T'as aucun risque. Personne ne s'est jamais retrouvé avec du sable dans l'urètre. Hein. Non. À moins de vraiment. Non, mais sauf si tu le mets. Oui, bah oui. Non, mais qui va se mettre du sable dans l'urètre? T'as des tordus partout. Oui, bon bah j'espère que tu feras pas ça, Thomas. Hein non. Et vous non, les filles, Alice, tu te mets des fois des trucs dans la. Pardon. Bah pas du sable. En tout cas, non, pas de sable. Non, mais moi, j'ai toujours que peur que les insectes rentrent. Ah ouais, non. C'est mon grand problème. Non, sérieux. Mais attends, c'est vrai que tu sais qu'il y a des insectes qui vont voir ce qui se passe pour se nourrir. C'est un endroit un peu humide et tout, qui rappelle la forêt tropicale. Mais on dit toujours qu'on en avale pendant la nuit. Alors moi, j'ai toujours peur, tu vois. Tu t'assois dans l'herbe, et ben voilà. J'ai eu peur parce que j'ai cru que tu parlais des sécrétions vaginales. Des sécrétions vaginales que tu avalais pendant la nuit. Oui, ça arrive à certains, oui. Mais Doc, mais c'est horrible ce que tu dis. Je comprenais pas ça. Alice, elle parlait des fourmis dans la. Moi j'ai peur quand je suis assise dans l'herbe ou quoi que ce soit, je sais pas pourquoi. J'ai une phobie, je me dis, et si elle rentrait dans mon cul? Et moi j'ai déjà eu une tique qui m'avait piqué au testicule. Ah, mais ça c'est l'horreur. Ah putain. Mais tu vois, elle aurait pu rentrer. Et faut retirer le truc, et faut bien que la tête elle s'en aille, quoi. Parce que sinon, et puis c'est surtout, tu risques la maladie de Lyme. Enfin bon. Bah oui, en plus. Thomas, tu vois, il y a pire que toi, il y a Alice qui a peur qu'il y ait des fourmis qui rentrent dans son vagin. Rassure-toi, Thomas, tu reviens quand tu veux. Salut. Ces bestioles n'ont pas envie de relation sexuelle avec voilà. Tout. Mieux. À tout moment, on parle de l'anus d'Alice. Hein. Vous l'avez remarqué dans cette émission. On aura le chiffre d'Alice justement dans un instant. On va parler de quoi ce soir, Alice? On va parler des personnes qui parlent vraiment régulièrement de sexe avec leurs parents et sans tabou parfois. Venez nous raconter les discussions un peu gênantes en fait. Hein. C'est un peu le défi, fallait pas demander. Hein. Tous les soirs, vous posez des questions à vos parents, à votre famille. Et c'est des questions que normalement, t'oses pas poser. Là, si vous en avez déjà parlé avec vos parents de sexe par exemple, 01 42 48 5000, on va parler des conversations un peu gênantes. Et on va écouter l'hymne de l'Euro 2016. On est déjà qualifié pour les 8e. David Guetta, Zara Larsson, This One's For You, à tout de suite. Suivez-nous sur Facebook, la page Le Bon Fun. Bruno dans la radio. 6h-9h sur Fun Radio. Salut, c'est Bruno. Bonjour, c'est Vaché. Salut, c'est Christina. Salut, c'est Elliot. Bon, bah voilà, jeudi et vendredi, on est en direct d'Ibiza, quoi. Ouais, c'est loin. C'est pas un peu triste la façon dont on le dit, peut-être ou... Ouais, mais c'est parce que pour les gens qui parlent pas, on veut pas leur mettre les boules, quoi, c'est pour ça. C'est voilà, vrai. Rendez-vous jeudi et vendredi. Au revoir. Ouais. On paraît. Les gars, je crois que le micro est toujours allumé. Faites pas. Oui, enfin, on part, il est bizarre. Enfin, on part, quoi. C'est cool, tu fais pas bon. Retrouvez toutes les fréquences de Fun Radio sur funradio.fr. Fun Radio ouvre sa boutique officielle. All we need to start is le shop. Rendez-vous sur funradio.fr pour découvrir en exclusivité la collection complète de t-shirts, sweatshirts, mugs, coques et autres accessoires aux couleurs de Fun Radio. C'est énorme. Vous ne les trouverez nulle part ailleurs. Alors passez en mode fun maintenant. Maintenant sur funradio.fr/shop. Come on. Fun Radio. Hi, I'm Calvin Harris. Hi, this is Rihanna on Fun Radio. Fun Radio. Fun. Le son dance floor. When the leaves turn brown, I watched it burn across the sun and above the clouds. Sirens clear, I'm ready to fall and find a lover that was meant for me. When the wolves run wild, I see myself, but you won't take this road I go down. The nights grow cold, the flame goes out, living forever in a ghost town. You save me, I'll save you, a miracle meant for two. I'll save you, you save me, a miracle with every beat of my heart, with every beat of my heart. to. I save you, you save me. I'm miracle with every beat of my heart. Le chiffre d'Alice dans Love in Fun sur Fun Radio. Le chiffre d'Alice, tous les soirs dans Love in Fun sur Fun Radio. Et n'oubliez pas, hein, si vous voulez gagner vos t-shirts Karel & Co, c'est une marque de t-shirts voilà, qui vient de se faire. C'est pas Karel qui les a fabriqués. Ah bah non, hein, pas du tout. C'est un pur hasard, mais enfin bon. Absolument. Du coup, il arbore maintenant, il a vu mon t-shirt à mon nom, je suis une star. Ça peut être grave quoi. Ah, mais si tu veux, on va ramener, tu sais, les combinaisons de prisonniers avec écrit Doc derrière pour que t'aies aussi ton moment de gloire. Ouais, ça te plairait, Doc. Hein. T'es jaloux. Elle est jalouse, Doc. Ouais, elle a pas son t-shirt. Non, non, moi, jalouse. Elle est jalouse. Elle est jalouse. Elle a pas. Karel, c'est pas pour toi. Mais oui, c'est mon t-shirt. Je me vois pas avec un truc comme ça. Mais enfin, bon. Oui, il te faudrait quoi, Doc? Un petit par-dessus? Oui, je préfère. Bien sûr, en tout cas, on vous les offre. Hein. Voilà, c'est surtout le truc bien cool. Oui, parce que c'est de la bonne qualité. Exactement. Je l'ai vu. Et si vous voulez les gagner, hashtag LoveInFun sur le Twitter et partagez un maximum le post qu'on a mis sur le Facebook. Exactement. Il faut que vous alliez liker la fanpage de l'émission. Ouais, vous avez jusqu'à minuit et après on fera un tirage au sort des personnes les plus actives sur les réseaux sociaux et on vous contactera directement en message privé. On en a plein en plus à vous filer, donc et allez-y. Ouais, ah oui, il y en avait un carton entier. Ton chiffre ce soir, Alice, c'est quoi? Eh bien apparemment, il y a une personne sur trois qui parle régulièrement de sexe avec ses parents. Ouais. Voilà, donc on s'est posé la question, est-ce que vous avez eu des moments peut-être un peu gênants, parce que souvent des fois c'est les parents qui nous parlent de sexe alors que c'est peut-être pas le bon moment pour nous et qu'on n'a pas envie de se livrer. Il y a ça, mais je dirais ce que j'en pense après parce que c'est quand même un sujet important. Allez, on va accueillir Nadège justement. Nadège Danonet, bonsoir Nadège. Salut Nadège. Salut tout le monde. Salut Nadège, bienvenue dans Love in Fun. Alors raconte-nous, est-ce que tu parles de sexe avec tes parents toi? Alors il y a un truc assez comique qui s'est produit quand j'avais 16 ans. On était à table, tranquille, tout. Puis avec ma sœur qui a 16 ans de plus que moi, donc elle avait 32 ans, On a parlé de fellation et tout. Puis on s'est parti en cacahuète. Et ma mère, ah ouais, mais non, mais moi j'avale pas de toute façon. Quoi, ta mère, elle t'a dit? Moi j'avale. Putain, c'était une discussion. Mais on n'en pouvait plus. Ma soeur, on s'est regardé. On s'est dit, oh, mais. Oh, merde, parce que tout de suite, t'imagines papa, quoi, à côté. Non. Là, ça, mon père, il s'est barré quand j'étais petite, mais je m'en fous. Mais même, quoi, tu t'en passes. D'accord. Ah, parce qu'en plus, elle avait des amants. Oui, bah oui, elle a fait sa vie. Ah, ouais, d'accord. Ce qui est humain, quoi. Donc, elle en parle ouvertement, quoi. T'en as parlé de sexe? On en parle souvent. D'accord. Vous racontez vos expériences? Peut-être pas nos expériences, mais des fois, par exemple, quand elle veut un renseignement sur un toys ou sur autre chose, il faut savoir également que j'ai travaillé dans un sex shop, donc forcément, c'est un peu logique aussi. Ah oui, mais d'accord, t'es une professionnelle. Vous vous prêtez vos sex toys en famille ou pas? Non, on va éviter, c'est pas trop ces choses-là. Mais est-ce que vous utilisez, quel genre de mots tu utilises quand tu parles de sexe avec ta mère? Est-ce que tu utilises des mots corrects ou tu vas carrément les mots courants? Oula, non, je suis crue, hein. Je suis très très crue. J'appelle un chat, très clairement. Ah, une chatte, en l'occurrence. Ça, ça a été facile. Ça. Oui, bien sûr, Nadège. C'était petit, hein, Karel. Bravo. Ah, je fais ce que je peux, hein. On fait comme on peut, tu sais. Nadège, reste avec nous. Il y a Cécile aussi qui est là. Cécile de Carcassonne. Bonsoir, Cécile. Bonsoir, tout le monde. Bienvenue, Cécile. Tu parles de sexe avec ton père? Non, du tout. Et avec ta mère? Du tout. C'est gênant pour toi? Non, c'est plutôt pro, je pense que c'est la génération, mais voilà, ils sont un peu vieux, donc, enfin vieux, non, enfin, voilà quoi. Vieux jeu, non mais c'est pas vieux, c'est vieux jeu quoi, c'est-à-dire qu'on parle pas de sexe à la maison. Ouais, donc ouais. C'est dommage, quoi. C'est tu aimerais que tes parents te parlent de sexe? Non, moi, pour l'éducation, en fait, c'est sympa, quoi. Okay. C'est, Comment ils considèrent la relation sexuelle, par exemple, pour toi? Est-ce qu'ils t'ont mis en garde ou pas? Ou est-ce qu'ils ne voulaient pas que tu sortes pour pas que tu aies de relation sexuelle? Comment ça se passait? C'est ça. Ah, c'était pas avant le mariage, d'abord les études, le métier, enfin, voilà. Et découvrir le loup après la cérémonie. C'est ça. D'accord. Bon. C'est ce que t'as fait, non? Bien sûr. Non. Ils ont été obligés d'évoluer un peu. Il doit y avoir une période, en fait, pour les parents qui ils savent que leurs enfants ont un début de sexualité, qui se posent des questions. Est-ce qu'il faut l'aborder, en fait, le truc? Je pense qu'il ne faut pas anticiper. Le problème, je vais vous le dire très clairement, c'est qu'effectivement, parler de sexualité avec ses enfants, si on choisit mal les mots, c'est évoquer sa propre sexualité. Donc évoquer sa propre sexualité va être forcément mal à l'aise, les enfants. Et tes enfants, de qui te parlent de sexe ou pas? Ça peut arriver, mais avec beaucoup de parcimonie. Je ne suis pas fermé, absolument pas. Je dirais que je réponds seulement à leurs questions. Des fois, ils te demandent des conseils pour être performant au lit. Oui, non, un jour, Ruben m'a dit « Papa, est-ce que tu veux être grand-père ?» Je dis, je sais pas, peut-être un peu tôt. Ben alors, et il est jeune, Ruben, en plus. Oui, et il me dit, parce que j'ai pas de préservatif, tu peux m'en acheter. Ah ouais. La bonne technique pour avoir des capotes gratos. Et dis-lui qu'on en a plein à la radio. Oui, mais là, il a une grosse consommation, l'artiste. D'ailleurs, il s'est déjà servi, hein, je te le dis, quand il vient des fois à la radio. Il se fait plaisir. Il nous dit, à chaque fois, il nous dit, et j'en prends pour papa. Hein? Non, moi, j'en ai pas besoin. On a beaucoup de réactions sur les réseaux sociaux, Alice. Ouais, il y a Alex qui dit « Pour moi, il n'y a pas mieux que les conseils des parents au niveau sexualité. Je parle très régulièrement de ça avec ma mère. » Et Priscilla qui dit « J'ai des parents ouverts d'esprit et franchement, c'est le top de délirer là-dessus. La phrase préférée de mon père quand je pars de la maison, c'est « Bonne bourre ah, !» Ce qui est étonnant, c'est que c'est très très ancien parce que, bon, pour ceux qui sont à l'école, je ne parle pas pour casser, mais Madame de Sévigné... Et donc, il casse tout le monde, c'est ça. C'est ça hein. Madame de Sévigné, qui était quand même quelqu'un voilà, qui... Et a écrit une lettre formidable. C'était son ex. Madame de Sévigné. Ah putain, j'ai l'impression d'être en cours de français, ouais. Tu sais. A écrit une lettre à sa fille où elle expliquait comment elle devait faire et notamment faire une fellation le matin au réveil, après la nuit de noces. Ah, comment on fait, Doc? Moi, je sais plus, j'ai plus la lettre exacte, mais c'était très, très détaillé. Ah bah, merci pour cette info. On n'a pas la chute, là, Doc. Bah, si, la chute, c'est que c'est très vieux. Il y a des gens qui sont capables de parler de sexualité. Il faut être assez détaché de sa propre sexualité pour éviter justement de s'emberlificoter. Moi, je trouve ça gênant de parler de sexe. Moi, je crois que d'une façon générale, il ne faut pas que vos parents anticipent. Adam, alors, 14 ans. Comment, Adam, il est là. T'as 14 ans, toi, à Narbonne, Adam. T'es là? Eh oui, ça va. Salut, Doc. Salut, Colette. Salut, équipe. Salut. Et on, t'es très, très speed, toi, Adam. Hein? Ah oui, moi, je parle très vite. C'est de famille. Eh bien, c'est bien. Des potes. Alors, vas-y, bon, on t'écoute. Vous savez, la vie est si courte, hein. Mais bien sûr, il en profite à fond. Marrant. Il parle vite, du coup, il a trouvé la solution. Adam, est-ce que tu parles de sexe avec tes darons? Alors oui, surtout avec ma mère, en fait. Bon, mon père, lui, il est ouvert à ça. Mais au moment gênant avec ma mère, j'étais en repas de famille. Et là, elle me dit, bon, Adam, sur quel support tu te masturbes? Sur mon lit, sur les films porno, sur des gilets ou sur les WC? Qui voilà, t'a demandé ça? En repas de famille, ma mère, comme ça, devant tout le monde. Ah. Alors moi, je suis gênée, ça m'a envie de dire... Et toi, maman, tu fais des gilets avec Michel, comme ça, avec mon père ou pas? Bon, moi, je comprends rien. Tu parles trop vite. Il a demandé à sa mère. T'as un téléphone pourri et parle bien dans le téléphone. Non, j'ai pas un téléphone pourri, non. Ah bah, je t'assure qu'en tout cas, on t'entend pas top. Ça sent le mec qui l'a payé une blinde, quoi. Ouais, c'est ça. Ça sent l'iPhone 6, tu sais, qui marche pas. Non, j'ai volé, en fait. Ah oui, d'accord, ok. Bravo, Adam. D'ailleurs, demain, on vous offrira une nouvelle tablette du doc. Oui, une Samsung cette fois. Une Samsung. Une vraie. Samsung. Pas une fausse, hein. Ben, bien sûr, une vraie Samsung. Ouais, c'est un truc chinois qu'il avait acheté 40 balles, un truc comme ça. Non, ça vaut plus que ça. Du coup, donc, Adam, en plein repas de famille, ta mère qui t'affiche, où est-ce que tu te branles dans ta chambre, dans les toilettes? Et toi, qu'est-ce que tu lui as dit? Ben, moi, j'ai pas répondu parce que j'étais gênée sur le coup, donc je savais pas quoi répondre. J'étais là, sur tes rideaux en bas, regarde, ça colle un peu par terre et tout. Ah, mais le problème, c'est que c'est les parents qui lavent les draps, tu vois, la chambre et tout, donc parfois, il y a des petites traces, hein. Mais non, en fait, parce que moi, je fais toujours très attention, en fait. Tu fais ça où, toi? Alors, moi, je fais ça sur les phones, des fois dans mon lit, des fois dans les vestiaires du rugby. Et quand t'as rien pour t'essuyer, qu'est-ce que tu prends en premier? Alors, ça, c'est une bonne question. Alors, j'ai rien en particulier. Enfin, les chaussettes. Ça, ça rappelle une longue histoire. Ah, qu'est-ce qui s'est passé? Ah, ben, en fait, j'étais au rugby dans les vestiaires. Une fois, on avait fait tous les hélicoptères pour les douches. Vous avez fait le zizicoptère sous les douches. Mais voilà. C'est quoi ce délire? Ah bah c'est l'hélicoptère avec sa tub, hein. Bah oui, mais bon. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Il y en a un qui s'est parti. En fait, il a dit à personne. C'est parti. Il a pris mes chaussettes de rugby pour s'essuyer. Et à la fin, qu'on avait match juste après. Voilà. Donc j'étais content de transpirer dans mes chaussettes de rugby. C'était très agréable. T'avais la chaussette pleine de sperme. Oh. Bon, c'était pas l'intérieur, c'était le dessus. Donc ça passait crème. Ça passait, mais bon, voilà, c'est limite. Ça passait crème, c'est le cas de le dire. Qu'est-ce que c'est sympa le rugby, hein, sans déconner, on vous embrasse. Génial. Ils ont plein de choses, le jeu de la chaussette maintenant, le jeu de la biscotte. On les embrasse. La biscotte, on l'a pas encore faite, mais bon, ça va pas arriver, je pense. Tu peux t'épargner ça. Salut à toi, Adam. Allez, salut, je crois que c'est dédicace. Ciao. Ouais, vas-y, Adam. Alors, c'est une dédicace à mon frère qui m'écoute et à Amélie aussi, voilà, qui m'écoute de loin. Continue de profiter de la vie, Adam. Allez, merci. Salut mon pote, salut. C'est salut. Allez, salut. Et Nadège, vous revenez quand vous voulez aussi. Et on sera avec Bilal tout de suite. Bilal, il a 16 ans, de Morsan-sur-Orge. Bonsoir Bilal. Salut Karel, salut le doc. Salut. Bilal, défi fallait pas demander. Ouais. Alors on va appeler qui ce soir? On va appeler ma tante. Tu vas lui demander quoi? Je vais lui demander est-ce que peut me passer 50 euros pour qu'elle me paye une pute. Ah ouais. Ah putain. Ah oui. Ah bah elle va être dans la générosité ta tati. Après Major Lazer on le fait, voici Boom dans Love in Fun. Baby got ass like a trunk. Took it from a man, he a punk. She got a body like Baywatch. I met her at Playhouse. Bought 10 bottles, bought 10 more. Told her move her ass to the tempo. Is you really with the shit though? Shit though. Really, is you really with the shit though? Shit though. We got champagne and vodka. Vodka. Goons with me if they need a pile of. Whoa. Fuck niggas, hate real niggas, get money. Get money. All motherfuckin' that. Baby, drop it to the ground like yes, bitch. Back it up like yes, bitch. Yeah. After the club, I'm smashing. We'll come home to pass. Rider, break a cup. She a make bag and eyes, me no even give a fuck. She a swan like a sign dollar where you a go do. Take her outside, go smash it on the avenue. Two of my bitches in the club. Me introduce them to each other. Other man a girl is, I'm in stanta forever. Major Lazer, boom sur Fun Radio. On peut parler de tout, mais pas n'importe qui. N'importe quoi. Mais t'es défoncé ou quoi? Fallait pas demander. Fallait pas demander. Dans Love in Fun. Sur Fun Radio. Et allez-y, hein, venez tenter le défi Fallait pas demander. C'est une prise de risque, le défi Fallait pas demander. Mais ça vaut quand même le coup parce qu'on vous offre tous les soirs une tablette tactile qui part chez vous à la maison. Ce soir, celui qui va tenter le défi Fallait pas demander, c'est Bilal. Il a 16 ans, de Morsan-sur-Orge. Bonsoir Bilal. Salut Karel, ça va tout le monde? Ça va bien. Alors Bilal, le défi Fallait pas demander, c'est poser une question que normalement t'oserais pas poser. Tout simplement pour énerver une personne que tu as choisie. Qui on va appeler? On va appeler ma tante. Tata, tu vas lui demander quoi, Tata? Tu peux me passer 50 euros pour me payer une pute. Ok, ok. Ce genre de choses, je sais pas pourquoi, mais je pense qu'elle va, ça va pas lui faire plaisir. Elle est cool, ta tante, ou pas? Ouais, mais quand on l'énerve, voilà. Ah bah tu vas voir que là, elle va pas être cool. Elle va pas être cool, et tu vas peut-être gagner ta tablette. Allez, c'est parti, on appelle Mouna. C'est ta tante, elle a 30 ans. Hein. Ouais. Ok. Allez, Bilal, sois fort. 50 euros. Non, c'est pas cher, hein. C'est les soldes, c'est l'été. Allô? Allô? Ça va, Mouna? Oui, toi. Est-ce que tu peux me payer 50 euros pour me payer une pute? Quoi? C'est le 21 juin, 1er avril à ta version ou quoi? Tu peux me passer 50 euros, c'est pas rien. Mais ça va pas. Allez, mon lapin, arrête tes bêtises. Je te fais la pipe. Mais s'il te plaît, 50 euros. En plus, c'est quoi cette voix de travelot là? De quoi, votre travelot? Non mais attends, je viens d'entendre un truc derrière la main relative, un truc comme ça. C'est quoi ça? Je la passe, tu veux. Non, je veux pas parler moi. Non, je veux pas parler avec ça. Non? Non? Allô? Non, moi je parle pas, moi. Allô, Mouna? Non, on repasse Bilal. Bonsoir, Mouna. Non, je parle à Bilal. Tout à l'heure, il m'a impressionné, il avait fait l'hélicoptère avec sa bite. Je te le repasse. Non mais merci de m'épargner les détails. Allô? Non mais j'espère que c'est une... Attends, mais bon, c'est pas possible là, ce que tu es en train de me raconter là, c'est pas croyable. Non, mais attends, c'est pas possible, attends, on t'a éduqué, Bilal. Mais c'est quoi, tu vas faire appel à une... S'il te plaît, ça fait moi j'arrive pas à y croire, franchement c'est pas possible. Toi tu veux rentrer dans ce genre de truc? Bah ouais, c'est rien, je fais ça une fois, deux fois... Comment ça c'est rien? C'est pas rien du tout. N'importe quoi. C'est pas rien du tout, mais t'es malade. C'est quoi, regarde. Mais attends, t'es malade là, franchement c'est quoi ça? Vas-y, non, tu me racontes pas n'importe quoi. Baisse-moi, salaud. Avec l'autre qui raconte n'importe quoi derrière. Vas-y. Non, mais là, je vais la prendre. Non. Si, je vais la prendre. Non, oh, t'as pas d'argent. Tu vas payer avec quoi? Moi, je te connais pas. Hein. Bah, tu sais quoi, passe-moi un ticket resto. Je vais y passer, tranquille, hop, hop, et voilà. C'est bon. Je passe un ticket resto. Ta gueule. Allô. Non, mais... Moi, je commence à me casser les couilles, ce petit con. Ça fait 2 heures que j'attends. Tu veux les filer, les thunes? Non mais attends, t'es sérieuse toi? Tu vas filer ces putains de thunes? Non, ça fait... Non, ça fait 2 heures que je lui touche le haricot. Va bouffer la moquette, laisse-moi tranquille. Attends. Oh il a pas de thune, hein, c'est tout. Hein. Je me suis bien fait baiser, j'ai l'impression. Ah bah c'est le cas de le dire. Es-tu un homme ou une femme? Car j'ai bien l'impression que tu es un homme. Ah bon? Allô? Allô? Oui, allô? Oui, salut. Non mais attends, là c'est quoi ça? Bah, qu'est-ce qui se passe? Allô? Mouna? Ça va, Mouna? Tu as mué, Bilal? Bah, c'est incroyable! C'est fou, non, ça! Non, hey, c'est mais qui, si... là? Ah, non, mais je suis. Allô? Je m'appelle Karel, t'es en direct sur Fun Radio dans toute la France, Mouna! Ça va, Mouna? C'est une blague! C'était une blague, je le sais! Non, mais attends! Ah, bah, Bilal, franchement, tu crois qu'il va aller voir des prostituées pour 50 euros? Bah oui, ça hein m'étonnait! Ah, bah oui! C'était un défi en fait. Le défi, fallait pas demander. Et lui, son défi, c'était de te demander 50 euros pour te payer une prostituée. D'accord, voilà. Ok. C'était son idée. Bravo, Bilal. Bravo, hein, bravo. Ouais, bah bravo, c'est le cas de le dire. Hein. Mouna, par contre, la bonne nouvelle, c'est que grâce à toi, Bilal, il repart avec sa tablette tactile. Bravo, Bilal. Ah ouais. Mais moi aussi, je veux une tablette tactile. Bien sûr. Tu sais quoi? Tu feras le défi, fallait pas demander, comme tout le monde. Et tu poseras une question que jamais toute ta vie t'aurais osé poser à quelqu'un. D'accord? D'accord. Ça très va bien. Mais moi, j'ai passé l'âge. Hein. Je te fais des gros bisous, Mouna. Bisous, hein, bonne soirée. À bientôt, Mouna. Ouais, Bilal. Vas-y, Bilal. Ok, je fais une dédicace à Marianne, à Iliès, à Yanis, à Elodie et au collège Blaise Pascal de Villemoisson et tous ceux qui me reconnaîtront. Fallait pas demander. Fallait pas demander. Sauf à la team de Love It sur Fun Radio. On est là pour vous et rien que pour vous tous les soirs sur Fun Radio. Merci hein, d'être là et on sera avec Antonin, 13 ans de Versailles. T'es là, Antonin? Oui, je suis là. Salut, Antonin. Antonin qui prend le téléphone, tranquille, t'appelles pourquoi, Antonin? Pour savoir si c'est gênant d'avoir une grosse bite. Ah bah à 13 ans hein, bien sûr hein, tu vas nous raconter tout ça dans un instant. 01 42 48 5000 et on va écouter l'hymne de l'Euro 2016. Qu'est-ce que c'est bon, ce sont David Guetta, Zara Larsson, This One's For You, Fun Radio. Let them moment drown the whole world out. Cette année, je le sens, l'euro, il est pour nous. La France championne d'Europe. Avec le son de David Guetta. This one's for you, ouais, sur Fun Radio. 01 42 48 5000. Lavin Fun. Avec Doc et Karel. 20h, 22h. Sur Fun Radio. On écoutera Martin Solveig dans l'émission. Do it right. La nouvelle bombe de Martin Solveig. C'est la radio de la Teuf, hein, c'est Fun Radio tous les soirs avec du son dance floor. Et bien sûr, vous tous, vous toutes qui débarquez en direct sur Fun Radio chaque soir, 01 42 48 5000. On a Antonin qui est là. T'es là, Antonin? Salut. Salut. Salut, Antonin. Salut. Salut, l'équipe. Salut, Karel. Salut, le doc. Salut. Salut. T'as 13 ans, t'es à Versailles. T'appelles pourquoi, Antonin? J'appelle pour savoir si c'est gênant d'avoir une grosse bite. Pourquoi tu poses la question? Ben, en fait, je voulais savoir parce que je connais des gens, ben, ils disent toujours qu'ils en ont des grosses. Et puis, donc, est-ce que c'est gênant ou quoi? Tu veux dire des gens, des garçons qui disent avoir des grosses verges, comme Karel, par exemple, comme Kassim, qui disent en avoir des énormes, énormes. Moi, c'est vrai. Tête, hein. Attends, moi aussi, c'est vrai, hein, Doc. Hein. Moi, je peux le prouver, hein, franchement, ça me dérange pas. Ah bon, bah, je vous le dis tout de suite, ils ont tous les deux une petite bite. Mais c'est pas grave. Que dalle, attends, tu t'en sais rien en plus? Bien sûr, c'est. Je vais te dire, Alice Monique, t'en as une petite. De quoi? Mais moi, franchement, j'ai vu qu'un bout de celle de Kassim et rien du tout de celle de Karel. Alors, montrez-nous vos paquets et puis on va savoir lequel est la plus grosse. Quoi. Mais au-dessus du caleçon, parce qu'on est filmé. Okay. Bah, vas-y, balance. T'entends ça, Antonin? Kassim veut montrer sa teub, là, rien que pour toi. Oui, mais de toute façon, Karel, on peut croire que je bande pas aussi, là. Oh, mais arrête, c'est ridicule. Attends, mais grosse teub quand tu bandes ou allez, tu bandes pas? Arrête. Ouais, on dirait un M, quoi. Donc c'est un petit morceau. Pour le printemps, s'il te plaît. Non, mais alors, ça veut rien dire quand on n'est pas en érection. Non, mais alors, pourquoi tu poses cette question précisément, Antonin? Pour savoir si c'est gênant quand on le rentre dans la chatte. Alors, ça, c'est une excellente bonne question. Alors, déjà, tu sais que la nature fait bien les choses. Les filles sont excitées. Quand elles sont excitées, elles mouillent. Ça s'appelle une lubrification. Cela favorise la pénétration. Elle est essentielle, cette lubrification. Par ailleurs, le vagin est une cavité qui s'étend énormément, puisque lors de l'accouchement, ça peut laisser passer une tête de bébé qui est bien plus grosse que la petite verge. En revanche, ce qu'il y a autour du vagin, ce sont des muscles. Ah. Et quelquefois, les femmes, parce que pour des raisons diverses, peuvent avoir ce qu'on appelle un vaginisme. C'est une contracture involontaire, mais extrêmement puissante, qui empêche la pénétration du vagin. Voilà. Mais sinon, d'une façon générale, alors évidemment, un garçon qui rentre comme cela, alors que la fille n'est pas excitée, bien, l'absence de mouillure va générer de la douleur, voire des petites blessures. Ah, il faut être à l'écoute. Si la fille est excitée, ça devrait bien se passer. Faut être à l'écoute du vagin, Doc. Oui, le dialogue du vagin. Oui. Hein, tu as déjà parlé à un vagin, toi? Tu écouteras bien. Mais bien sûr. Ah, bien sûr. Bien sûr, il faut prendre des nouvelles de temps en temps, Doc. Tu vas voir de près. Tu prends pas des nouvelles du vagin de Katoche? Je ne parle pas comme ça. Non. Je suis beaucoup plus. Antonin. Moi, j'avais une question, je sais pas si tu te la poses aussi, mais alors, tu sais, souvent, j'ai remarqué, en fait, donc, quand on bande et quand on bande pas. Quand on est en érection et quand on n'est pas en érection. Et ça arrive, parfois, qu'il y en ait qui est toute petite quand elle n'est pas en érection, et puis après, qui. Bien sûr, parce que le corps caverneux, le corps spongieux, qui sont les structures internes de la verge, ce sont des structures qui se distendent, qui se gorgent de sang. Donc forcément, lorsque vous êtes en haut repos, oui, il y a une déflation, c'est-à-dire la verge se fait en grande partie de son sang et donc diminue de volume. Et ce contact avec le haut, comment tu l'expliques? Elle devient toute petite. Là, évidemment, c'est une vasoconstriction, c'est-à-dire les vaisseaux se rétrécissent un peu. Oui. Et en revanche, il y en a qui ont des grosses, qui sont des semi-molles, c'est-à-dire en demi-érection. Et là, évidemment, ils ont l'impression... Oh Doc, grosse. Tu perds ta voix. Ils ont l'impression d'avoir une grosse. Ah oui. Et en fait non. Tu les mets sous la douche froide. Oui, c'est pas terrible. Tu l'as mesuré, la tienne, Antonin, peut-être? Antonin? Antonin? Où es-tu, Antonin? Antonin, tu l'as mesuré, la tienne, peut-être? Oui. Ah, combien elle fait? 40 cm. 40? Wow. Ah ouais, putain, t'as quand même un beau modèle. T'en as une petite, ouais. T'en as une petite, parce qu'en fait, c'est pas 40 mm. C'est 40 mm. Ah, Antonin qui nous dit que sa table fait 40 cm, c'est du collector. On t'embrasse fort, Antonin, tu reviens quand tu veux. J'ai une question? Moi, j'ai une autre question? Ouais, vas-y. Karel, est-ce que je peux te faire écouter des personnes qui veulent te dire un truc? C'est très gentil. Ah bah vas-y, attends, je crains le pire. Je te fais écouter. Hey, pour Karel, allez, allez. Hey, pour Karel, allez, allez. Ouais, bravo. Les pauvres, ils captent pas. Antonin, c'est fait plaisir. Vous raccrochez pas, pour toi et tes potes, on va filer le pack Love in Fun, d'accord? Ok, merci. Salut poteau. Salut. Et on a Olivier qui est avec nous, 16 ans d'Orléans. Bonsoir Olivier. Salut Karel, salut Doc, salut tout le monde. Salut Olivier, t'appelles pourquoi toi? Alors moi j'appelais, c'était pour savoir en fait, c'était normal que ma meuf, pendant ses règles, enfin pendant son cycle de règles, elle aille des arrêts et puis que ça reprenne à chaque fois. Ah oui, oui bien sûr. Des arrêts, c'est ça? Oui, elle peut aller avec des règles, ça s'arrête, ça reprend, parce que des cycles très irréguliers en fait. D'accord, ok, bah tu bouges pas Olivier, on va t'aider, on est là pour vous hein, tous les soirs. Et un appel d'urgence à tout moment hein, pendant l'émission, si vous arrivez une grosse galère, on va se mobiliser pour arranger votre histoire. Voici Mike Posner et Took a Pill in Ibiza sur Fun Radio. Show a feature, I was cool. And when I finally got sober, felt 10 years older. But it was something to do. I'm living out in LA. I drive a sports car just to prove I'm a real big baller. Cause I made $1 million and I spend it on girls' shoes. But you don't wanna be high like me. Never really know why like me. You don't ever wanna step off that roller coaster and be all alone. And you don't wanna ride the bus like this. Never know who to trust like this. You don't wanna be stuck up on that stage singing. Stuck up on that stage singing. Oh, I know a sad soul. Sad soul. Darling, oh, I know a sad soul. Sad soul. A reminder of a pop song people forgot. And I can't keep a girl, no. Cause as soon as the sun comes up I cut them all loose and work's my excuse. But the truth is I can't open up. And you don't wanna be high like me. Never really know why like me. You don't ever wanna step off that roller coaster and be all alone. And you don't wanna ride the bus like this. Never know who to trust like this. You don't wanna be stuck up on that stage. Stuck up on that stage singing. Oh, I know our sad souls. Sad souls. Darling, all I know our sad souls. Sad souls. Mike Posner sur Fun Radio avec Took a Pill in Ibiza. Jusqu'à 22h. Love in fun. Du sexe, de l'amour et du fun sur Fun Radio. Love in Fun avec vos messages, le hashtag hein, Love in Fun pour gagner les t-shirts Karel & Co qu'on vous offre là. On vous a mis des petites photos d'ailleurs si vous voulez les mater sur le Facebook de l'émission, sur le Twitter aussi hashtag Love in Fun. Alors pour participer c'est très simple, il y aura un tirage au sort, ce sera avant minuit et il suffit de mettre le hashtag Love in Fun ou alors sur la page Facebook de liker le post, de le partager et surtout de liker la fanpage de l'émission. Ah bah oui, surtout. Ah ouais, bien sûr. Et puis on vous offre tout ça là, avant la fin de l'émission. Avant minuit, pardon. C'est parti pour des petits messages qui sont arrivés, Alice. Un message de Fanny. Est-ce que ça peut être dangereux d'avaler du sperme? Non. Enfin, attends. S'il a une IST... Oui, il faut préciser la chose. Car effectivement, on parle de préservatif pour la relation sexuelle avec pénétration anale ou vaginale. On oublie que dans la pénétration, dans la fellation, il y a effectivement un risque de contamination par un sperme contaminé. On peut avoir des chlamydies, on peut avoir des gonocoques. Et aux États-Unis, en Angleterre, par exemple, il y a un gros problème de contamination par gonocoque et notamment par la bouche, avec des atteintes du rhinopharynx et surtout des microbes qui sont nos gonocoques, c'est la chaude pisse, qui deviennent résistants quasiment à tout. Ça s'appelle un BMR, bacille multirésistant, qui résiste à tous les traitements. C'est quelque chose de terrible. Donc, la fellation n'est pas anodine. Peut-être pas pour le sida, ça c'est clair, mais pour les autres IST, si, on peut attraper. Donc, quand on a des partenaires qu'on ne connaît pas, on fait gaffe. D'accord. Et un autre message de Marjolaine. C'est pas régulier, finalement. Ça donne pas envie, Doc, ce que tu veux dire. Les gonocoques, la chaude pisse, putain. Oui. Bah, ça n'arrive pas tout le temps, quand même. Suffisamment souvent quand ça arrive. Enfin, faites attention. Et une question de Marjolaine. Pourquoi certaines personnes sont moins frileuses que d'autres? Parce que moi, je suis toujours en gros pull, pendant que les autres sont en t-shirt. C'est une excellente question, car nous avons deux sortes de graisse, la graisse brune et l'autre graisse. La graisse brune fabrique de la chaleur. Ça s'appelle des petits organismes. Vous vous souvenez, vos cours de sciences nat, ça s'appelle mitochondrie. Ils fabriquent de la chaleur. Donc, quand les gens vivent au froid et ne se couvrent pas trop, ils vont fabriquer de la graisse brune. En revanche, si vous vivez au chaud, très chaud, et que vous êtes très couvert, votre graisse brune va disparaître. Et donc, vous allez devenir de plus en plus frileux. Donc, l'idéal pour être moins frileux, c'est de ne pas être trop couvert, d'accepter le froid, une certaine dose de froid, pour stimuler la production. Et après, on aura moins froid. Oui. Ça, c'est pas mal, ça. Je savais pas ça, Doc. Ça, tu m'as appris un truc ce soir. Ça arrive, c'est pas le seul soir, j'espère. Ouais. Ah si, ça va, ça arrive de temps en temps, hein, je te cache pas. Ouais. C'est la fellation, tu sais. On va accueillir. Ah bah, ça je savais. Je commence à être calé maintenant. Hein. Olivier, t'as 16 ans, t'es d'Orléans. Salut Olivier. Salut Karel, salut Doc, salut tout le monde. Salut, bienvenue Olivier, t'appelles pourquoi? Alors moi, j'appelle parce qu'en fait, il y a ma meuf qui a, enfin le mois dernier, elle a eu un retard de règles de 2 semaines. Ouais. Et là, en fait, ce mois-ci, elle vient de les avoir. Et le problème, c'est qu'elle s'inquiète parce que depuis le début de ses règles dimanche, elle a des arrêts de règles et ça elle a des arrêts pendant 2-3 heures et après ça revient et puis ça repart. Enfin, c'est, d'accord. Et parce du coup, c'était pour ça, c'est normal. Ou... Oui, ça peut être normal. Est-ce qu'elle a mal au ventre? Oui, elle a super mal au ventre. D'accord. Est-ce que vous avez des rapports sexuels non protégés et sans contraception? On en a eu une fois, oui. Ben oui. Il faut rechercher une grossesse, on ne sait jamais. C'est une grossesse qui se développe mal. Mais non. Ben oui, il a baisé sans capote et sans contraception. Je suis désolé, mais il faut quand même déjà penser à ça dans un premier temps, même si ce sont des règles, apparemment des règles. Je donne cet exemple parce qu'il peut arriver quelquefois qu'il y ait des grossesses anormales, surtout si tu as mal à ventre. C'est surtout la douleur abdominale, plus ces saignements un peu anormaux. D'accord. Donc, Olivier, t'as 16 ans et elle a quel âge, la fille? Elle a 17 ans. Mais comment vous faites là? Je suis désolé, c'est bien d'avoir une sexualité, je suis d'accord, mais tu veux pas. Va déjà consulter. D'habitude, on en est, mais c'est juste que cette fois-là, c'était un peu improviste et puis on en avait pas. Voilà. La pilule, quoi. Mais il faut Justement, elle a commencé. Parce que comme elle a eu un retard de règles, le médecin lui a prescrit la pilule. Ouais. Et là, elle a commencé dès le début de ses règles, quoi. Okay. Très bien, c'est pas plus mal. C'est une micro-pilule, probablement. Il faut consulter à nouveau le médecin, lui dire bon, vous avez des rapports sexuels sans contraception, sans préservatif. Donc, il faut peut-être faire une écho abdominale compte tenu qu'elle a mal au ventre après examen clinique et ainsi de suite, ainsi de suite. Voilà. Donc, c'est important de bien checker ça et après de repartir sur de bonnes bases. OK? Ça peut être aussi des spottings liés. Enfin, bref, déjà éliminer la grossesse. Mais le mois dernier, parce que justement, c'était juste avant ces règles du mois dernier, on a eu un rapport, c'est à ce moment-là qu'on a eu un rapport non protégé. Et justement, ça y était arrivé aussi d'avoir des arrêts de règles comme ça. Ce que je suis en train de te dire, c'est pas sûr du tout. C'est probablement pas ça. Mais on ne peut pas vivre avec l'idée qu'on n'élimine pas ça en dernier. Mmh. On l'élimine en premier. D'accord? Ouais. Et oui. Olivier, tu vas paniquer d'ici le test. Mais tu vas pas avoir une relation sexuelle, c'est ce que t'as dit. Ah bah oui, non, mais voilà, et forcément Olivier, il va être dans tous ses états quand il va raccrocher, il va appeler sa nana, il va lui dire. Non, mais faut voir les choses en face. Il y a pas de danger. Bon, simplement voilà. Doc, il voit le pire, mais enfin le pire. Non, faut être réaliste, faut pas se réveiller au bout de 4 mois. Dis donc les bibes, c'est pour bientôt, Olive. Ouais. C'est ce qu'on appelle, je suis pas dans la vanne. Hein, rigole pas du tout. Ah ouais, appelle ta chérie et tu nous tiens au courant, d'accord? D'accord. Pas trop d'inquiétude non plus. Hein. Okay, salut Olivier. Ok, bah merci. Salut. Ciao à toi. Loïc est avec nous, 20 ans de Montpellier. Bonsoir Loïc. Salut Karel et toute l'équipe. Ouais. Salut. Alors Olive, pardon Loïc, t'appelles pourquoi toi? Parce qu'en fait, j'arrête pas de grignoter le soir. Je voudrais des conseils. D'accord, et t'as pris combien de kilos? Je sais pas, je crois que je suis à 70, mais je suis pas gros, mais voilà. D'accord, tu vas arrêter les grignotages. À l'approche de l'été, ça peut être sympa, ça a des bons petits conseils. Vous restez avec nous. Voici Martin Solveig et Do It Right, Love in Fun. Justin Solveig sur Fun Radio. 20h, 22h. 0,1,42,48,5. Avec Doc et Karel. Sur Fun Radio. C'est Love in Fun tous les soirs sur Fun Radio, alors que Cassim vient d'envoyer un crayon. Mais attends, au t'es vraiment un d'Alice. Connard. Non, mais attends, il m'envoie un marqueur permanent ouvert, alors que j'ai un gilet blanc. Non, mais c'est fini, totalement les enfantillages gratuit, là. Sans déconner. calmez-vous, les enfants. On va accueillir Loïc qui est avec nous. On 20 fait ans de émission de radio, je vous le rappelle. Salut Loïc. Salut. Sans salut. Salut. Salut. Salut. Ah, t'appelles pourquoi toi, Loïc? Ben parce qu'en fait j'arrête pas de grignoter le soir. D'accord. Tu manges quoi? Ou des conneries, saucisses, chocolat. T'as du mal à dormir? Ça va. Ouais. Mais simplement ça arrive. Il y a des gens qui ont comme ça des. C'est un peu compulsif. Il y a quelque chose qui est de l'ordre de l'anxiété peut-être, de l'angoisse. Enfin tu te sens pas. Voilà. Donc tu te remplis. D'accord. Faut simplement que tu trouves une autre activité. Si, en fait, tu t'ennuies peut-être un peu le soir, tout simplement, et tu vas dans le placard et tu essaies d'avoir un petit peu de plaisir en allant grignoter un petit peu. Puis en fait, tu te rends compte qu'une fois que tu as mangé un truc, ben, 5 minutes après, il faut que tu recommences. Puis 5 minutes après, il faut que tu recommences, et ainsi de suite. Et tu finis par te lasser et tu ne peux pas t'arrêter. Mais peut-être qu'on a faim aussi seulement, Doc. Alors, on s'ennuie pas forcément. Le grignotage n'est pas forcément dramatique pour la ligne, justement. Ça a été testé. Ah ouais? Si on grignote, on grossit pas forcément. Oui, l'obésité, c'est pas lié au grignotage obligatoirement. C'est lié à une prédisposition génétique. C'est encore autre chose. Mais bon, voilà. Il faut simplement que tu trouves un autre dérivatif. Qu'est-ce que tu fais le soir, en fait? Ouais, je regarde la télé, j'écoute Fun Radio. T'écoutes Fun Radio, c'est bien, mais en écoutant Fun Radio, tu peux faire autre chose. En regardant la télé, t'es passif. Ouais. Et quand on est passif, eh bien on s'embête et puis on grignote. Tu grignotes quoi, exactement? Bon, ça dépend, un saucisson, chocolat, gâteau, fromage. C'est une connerie, quoi. Ouais. Bon. Loïc. La vie est belle, il faut que tu t'intéresses à quelque chose. Le soir, je crois, sans déconner. Alors, on est très sollicité dans la journée, il y a l'école, il y a des tas de choses, on se concentre, on fait des efforts. Là, on se relâche. Et comme si tu remplissais un vide. Mais finalement, ce vide, c'est un tonneau percé. C'est-à-dire, tu remplis, mais tu n'es jamais satisfait. D'accord. Loïc, tu viens de te faire insulter de tonneau percé, quand même. Tu t'en rends compte ou pas? Non, bah, pas. C'est un peu cette idée-là, c'est remplir un vide sans cesse. Alice, elle grignote beaucoup aussi, j'ai remarqué. Ouais. Elle est toujours en train de grignoter un truc. Et c'est vrai que quand on est un peu triste, qu'on n'est pas très en forme. T'es triste? Je suis pas en forme. Non, en fait, c'est surtout que, en général, je mange rien avant 16-17h, donc forcément, j'ai la dalle. Ah oui. Et vu que vous mangez pas avant 19-20h, et ben, je grignote des madeleines en attendant qu'on mange tout ça. En revanche, je pense que ceux qui font l'amour très souvent ne grignotent pas trop. Alors, t'es en train de dire de quoi? Que je baisse pas, c'est ça? Tu traduis comme tu veux. Bah oui, c'est ce que j'ai traduit et ça me déplaît. Non, mais j'ai pas dit. Toi, tu grignotes pas trop en ce moment. Non, mais attends, c'est-à-dire que Doc, il a paniqué pendant 10 ans et depuis qu'il a trouvé une meuf, il se la raconte en disant: toi, tu fais pas l'amour. Non, mais je le fais 2-3 fois par jour. Non, mais je donne un exemple. Il y a des gens qui font l'amour tous les soirs et qui peuvent grignoter le soir, c'est pas un souci, mais. Voilà, quand t'as Loïc, le souci de l'autre, la vie avec l'autre, c'est pas mal. Loïc, notre conseil, baise. C'est ça, en fait. Hein. Ah, je sais, vous inquiétez pas. Ouais, tu reviens quand tu veux, Loïc. Je pourrais avoir un pack fun. Ouais, salut. Tu raccroches pas, on va t'envoyer ça, d'accord? Merci. Salut, Loïc. Au revoir. Ciao à toi. Il y a Tommy qui nous appelle. Alors, près de Disneyland Paris, magie de Mickey et Minnie. Qui est avec nous. Bonsoir, Tommy. Salut, Tommy. Salut, Karel. Salut, le doc. Salut. T'as 17 ans, Tommy. Oui, j'ai 17 ans. T'appelles pourquoi? J'appelle pour savoir c'est quoi une torsion testiculaire. Oh, un beau programme. Alors, c'est une pathologie d'urgence. C'est-à-dire, le testicule est relié à ton organisme par des vaisseaux et par des nerfs. Et puis, il y a les canaux qui permettent d'acheminer les spermatozoïdes depuis les testicules jusqu'aux vésicules séminales. Bon, quand tu tords le testicule, il se tord sur son axe. C'est comme, voilà. Et donc, tu vas complètement tordre les artères et les nerfs. Aïe. Et si tu tords l'artère et la veine, eh bien, le testicule n'étant plus irrigué, il n'est plus oxygéné, et au bout d'un certain temps, il va mourir. Donc, c'est une urgence chirurgicale, moi j'en ai déjà rencontré. Sinon, tu perds ta couille. Ah oui. Ah vraiment, oui. Ah oui, le testicule se détruit. Il y a une torsion testiculaire, ça peut donner ça. En combien de temps ça se détruit, un testicule? T'as quand même quelques heures. La dernière que j'ai eue, c'était 11h midi, il a été opéré à 15h. T'as eu une alerte aux couilles, toi, dans ton cabinet, Doc? Oui. Donc, au téléphone. Au téléphone, et mec. Ah, mais je renifle. Il a très, tu renifles très mal les couilles, Doc. Non, la pathologie. Ah, pardon, j'avais compris. Parce que c'était au téléphone. Ah oui. Effectivement, voilà, quand on décrit quelque chose comme ça, il faut bien poser la question. Et quand tu vois que c'est en haut et qu'on te dit que le testicule est un peu ascensionné, si vous avez très mal, que le testicule remonte et qu'il ne bouge plus, il y a urgence. Ah, Tommy, t'as mal à tes couilles ? Non, heureusement. Ah bah oui, non, mais parce que ouais, ça fait flipper. Ça, en général, la tension testiculaire fait très très mal, puisque le vaisseau, bien sûr, les vaisseaux sont tordus, mais aussi les nerfs. Ah ouais, ça doit... Douleur insoutenable. Insoutenable. Ouais, c'est pour ça, Tommy, pourquoi tu poses la question ? Non, mais parce qu'en fait, il y a un de mes potes qui a eu ce même genre de problème. Il me disait qu'en fait, il avait tellement mal qu'on avait l'impression qu'on lui donnait des coups de pied dedans. C'est exact, il a raison. Ah, c'est ça. C'est extrêmement douloureux, donc c'est pathologie. Mais ça peut, il y a des cas toujours limites en médecine, on n'a jamais le cas typique. Il y a les cas typiques, il y a les cas modifiés. Les douleurs qui sont moins aiguës, ça peut, puis il y a des gens qui n'osent pas dire, et puis voilà. Il y a même pire, Tommy, je ne sais pas si tu es au courant, il y a la fracture de la verge. Oui. On peut se fracturer le pénis. Ça, c'est en épreuve sportive intensive. Ah oui. C'est le sport olympique. Voilà. En tout cas, voilà. Et ce qu'on fait à ces gens qui sont tordus un jour le testicule, on les fixe pour qu'ils arrêtent de bouger sur leur axe. D'accord. Donc il y a toujours une solution, il suffit d'y aller rapidement. Quand il y a un testicule qui a été tordu, on va fixer l'autre pour qu'il n'y ait pas la même mésaventure. Embrasse ton pote quand même, qui a eu beaucoup de courage, je pense. Salut à toi, Tommy. Salut. Est-ce que je pourrais avoir un pack fun, s'il vous plaît? Bien sûr, tu raccroches pas, on t'envoie ça. Tu bouges pas, d'accord? D'accord, il n'y a pas de souci. Ciao, Tommy, merci d'avoir appelé. Et on a Adrien, 19 ans, de Neuilly-sur-Seine. Bonsoir, salut, Adrien. Salut, Adrien. Salut, Karen, salut, Doc, salut toute l'équipe. Ce que veulent les filles, Adrien, qu'est-ce qui se passe ? Bah, je voulais savoir si les filles aimaient bien les trucs un peu ringards. Voilà. T'as un ringard, toi ? A priori. Nous, on est tous un peu ringards. On va déjà dire ce qu'il y a de ringard pour lui. Dites-nous, les filles, si vous aimez, par exemple, qu'on vous écrive des poèmes, par exemple, ça peut paraître un peu ringard. Il y en a qui le font. On va écouter Ugel en attendant Where We Belong sur Fun Radio. Tell me that you are the only one, and take me back where we belong. I need you by my side, you make me come alive. Don't give up, I'm holding on. Don't leave me here this way, I just need you to stay. Adele, Where We Belong sur Fun Radio. À quoi pense-t-elle? Love in Fun et Girls.fr vous disent tout. Ce que veulent les filles dans Love in Fun. Adrien, 19 ans, Neuilly-sur-Seine, avec nous là ce soir. Salut, bonsoir Adrien. Salut Karel, salut Doc, salut toute l'équipe. Salut Adrien, salut. Raconte-nous là, pourquoi t'appelles et pourquoi tu veux l'avis des filles ce soir? Alors j'appelle pour savoir si les filles aiment bien les trucs un peu ringards, parce que là il y a quelques jours, j'ai voulu être un peu romantique avec ma copine, du coup je lui ai écrit un poème. Ah, et elle bon. M'a dit que j'étais ringard et j'avoue, je l'ai mal pris. Tu l'as ton poème là un peu? Ah oui. Oui, non, mais elle voulait vraiment que je vous le dise. Ah, bah oui, ah, oui, bien sûr. Bah, moi, on va déjà te rassurer. Ah, je suis sûr. Vas-y. Que Doc adore les poèmes. Oui. Ouais, bah, écoute, Doc, le prends pas personnellement, mais bon, c'est pas pour toi le poème de base. Alors, je précise qu'elle s'appelle Amélie. Comme ça, il n'y a aucun quiproquo. D'accord. Alors, Amélie, tu es le soleil de mes nuits. Ne passe pas une heure sans que je pense à nous deux et à voir à travers tes magnifiques yeux le chemin de l'amour que nous prenons pour la vie. Alors, je te le dis haut et fort, Amélie, plus que quiconque, tu es l'amour de ma vie. Oh, c'est nul. Non, ah bah merde. T'es con, toi, ou quoi? Oh, c'est nul, nul. Non, mais elle lui dit pas ça. Comment tu trouves ça, Alice? Bah, c'est très mignon. Ah, c'est nul. Non, mais attends. Oh, c'est nul. Non, attendez. Nul. Non, mais attends, on s'en fout. Pourri. On s'en fout. Ce qui est important, c'est que, voilà, il fait parler son cœur. Alors, ça peut manquer de talent, on peut dire ce que vous voulez, mais il fait parler son cœur. Je pense que si la fille est amoureuse de lui, je termine ma phrase. Si la fille est très amoureuse de lui, elle va être touchée. Si elle n'a rien à foutre, elle va éclater derrière. Mais je suis entièrement d'accord avec toi. J'ai juste dit ça pour t'énerver, Doc. Parce que moi, je trouve que c'est beau. Et moi, je continue d'écrire des poèmes. Ouais, bien sûr. Ah. Mais c'est bien, Adrien. Et si la fille. Oh, ma dulcinée, ma tendre aimée. Si elle se fout de ta gueule. C'est beau. Tu Merci. Peux en tirer les conséquences. Elle t'aime vraiment, celle-là? C'est à moitié foutu de ma gueule, donc du coup, je me pose des questions, quoi. Non, mais ça, c'est clair que c'est pas terrible, la réaction. Ça peut être, attends. Chez une jeune fille, elle est jeune, ça peut être une sorte de pudeur. Voilà. Alice, on t'écrit des poèmes, tu trouves ça cool ou pas? Ça, franchement, ça. Non, mais dis la vérité, putain. ça dépend. Si je viens d'être avec lui. Elle veut du non, dur. Non, mais. Oh, bah, Doc, je t'en prie. Non, mais ça dépend. Si tu viens d'être avec lui, c'est compliqué. On se calme. Ouais, c'est compliqué. Ouais. Limite, ça fait plusieurs années que t'es avec lui, qu'il sait plus quoi faire pour te prouver son amour, ok, pourquoi pas, tu vois. Mais à la limite, il te l'envoie par texto. En tout cas. Il te le lit pas. Ouais, c'est ça. Pour certaines personnes, il vaut mieux l'écrire. Ça importe plus, ça je suis d'accord. Et pas tout de suite, je suis d'accord aussi. Tu rencontres la fille, tu vas parler avec elle et tu lui envoies ça, ça fait décaler. Ça peut paraître un peu ringard pour certaines filles, en tout cas, d'écrire un poème. Demander, attends, elles sont là. Bah ouais, la preuve, on a Jérémy qui est avec nous. Bonsoir Jérémy. Bah c'est pas une fille. Salut Doc, salut à toi Jérémy. Tu voulais réagir, bah vas-y, on te prend l'antenne. Il y aura Paloma aussi qui va venir dans un instant. Ah. Qu'est-ce que t'en penses toi? Alors moi, justement, je vais vous raconter une petite anecdote. Ah. Donc, avec mon ex, une fois, pour nos 2 mois de relation commune, donc j'ai fait un diaporama donc pour elle, un diaporama avec plein de photos de moi et elle en couple. T'as mis la musique ou pas avec? Oui, j'ai mis une musique. Il y avait des effets. Triste. Ah ouais, moi j'ai déjà fait ça. J'ai mis une musique triste et puis dès que j'ai lancé le diaporama, ben j'ai fondu en larmes comme un con. Ah bah putain, c'est trop beau ça. Bah, ouais, j'ai fait ça. Des petits montages de photos avec une petite musique. Avec la musique et tout, et puis moi comme un con, c'est pour elle. Je pensais qu'elle avait pleuré, au final elle a même pas pleuré, c'est moi qui a pleuré comme un con. Oui, mais c'est bien d'être sentimental, c'est bien que les garçons. Bah, attends, Alice, elle rigole, pourquoi elle rigole? On s'en fout. Elle se moque. Ouais, c'est sûr. Ouais, donc. On te l'a faite aussi, Alice? Non, on me l'a pas faite, mais qu'est-ce qui m'a fait rire. Et c'est vrai que j'imagine le pauvre. Franchement, j'espère que sa copine est réceptive, parce que forcément, il lance un montage avec une musique triste. Déjà, pourquoi une musique bouleversante pour parler d'amour? Et le fait que lui fonde en larmes avant même que le montage a commencé, enfin, t'es sa copine, tu sais pas ce qui suit, tu comprends pas pourquoi il pleure. Je trouve que les garçons puissent montrer ainsi leur sensibilité est une excellente chose. Voilà. Les garçons qui pleurent pas, c'est complètement stupide d'aller dire ça. Les garçons peuvent pleurer autant que les filles. Ça montre que ce ne sont pas des animaux ou des machos. Bah oui, quand on est très amoureux de quelqu'un, on laisse parler nos émotions. Tout à fait, je trouve très bien. Moi. Tu peux chialer, Jérémy, si tu veux. Non, c'est bon, j'ai pas envie, là. Bon, t'es toujours avec elle ou pas? Ah non, ça fait longtemps que bravo, bah putain. Est-ce que tu veux nous envoyer On veut voir le montage. C'était juste pas... Non, mais quelques jours après le montage, elle m'a trompé. Ah. Alors, elle était pas du tout amoureuse de toi, tu penses qu'elle s'est fendue la gueule. Oh, mais pauvre, c'est horrible. C'est horrible. C'est pas horrible, mais au moins, c'est un test excellent. Parce que si la fille en a rien à faire, elle se barre. Alors, j'en place une quand même, parce que moi, j'ai déjà fait ça. Moi, quand je suis amoureux, je suis très, très à fond et tout, machin. Et je me suis transformé en vidéaste, carrément. J'avais fait une vidéo, moi, genre, on avait passé un petit week-end et tout, machin. J'avais fait une vidéo, et je pense que cette vidéo lui a fait peur. J'ai plus une nouvelle une fois que j'ai envoyé la vidéo, quoi. Mais attends. Donc, il faut se méfier aussi, parce que parfois, les filles, elles pensent que voilà, t'es tellement à fond que t'entends plus. Si t'es à fond avec une fille que tu connais à peine, c'est un peu léger. Ouais, c'est ça le problème. Je m'emballe un peu trop vite. Parce que là, je peux te jure que si tu t'emballes très, très vite, ça peut faire peur. Paloma, t'es là ? Oui, je suis là. Paloma, veux-tu m'épouser, Paloma ? Ça dépend. Ah, tu vois ? Ah, bah, il y a moyen de réfléchir. Vas-y, il a quand même du pognon, il paraît pas, mais tu peux y aller. Oh bah, du pognon, hein, putain, j'en ai moins que toi, hein, sans déconner. Paloma, tu nous appelles pour réagir. Est-ce que toi, écrire un poème ou autre chose, hein ? Enfin, je veux dire, est-ce qu'il y a des choses que tu trouves ringard chez les mecs, par exemple, dans leur façon d'être avec les filles ? Mais franchement, ça dépend. Hein. Des fois, il y en a qui nous connaissent à peine, ils vont nous faire la sérénade. C'est complètement absurde, j'ai envie de dire, parce que franchement, ça nous fait peur. Ça vous fait peur, en fait, hein, quand on se dévoile trop dès le départ. Ah ouais, non, mais totalement. Ça arrive de carrément le charme, limite. Oui, non, mais il faut effectivement déjà être bien dans la relation amoureuse pour pouvoir dire. Parce que sinon, je vais vous dire, si vous y allez trop vite, ça ne fait pas sérieux. Des vrais sentiments, ça s'installe avec le temps et voilà, tout doucement. Ouais, ça se met pas en place en 5 minutes. Bah, presque, Doc, je trouve. Ouais, mais c'est être amoureux, mais c'est superficiel d'être amoureux. Quand tu aimes vraiment quelqu'un, c'est différent. C'est parce que tu la connais, tu as du plaisir à être avec. Enfin, c'est totalement différent. On t'a déjà écrit des poèmes, Paloma ? Oui, on m'a déjà écrit des poèmes, on m'a déjà fait un truc absurde, mais j'ai vraiment été choquée. D'accord, absurde. C'est quoi absurde ? Absurde, c'est-à-dire comment on a fait quelque chose que franchement je ne sais même pas si ça existait. Je suis sortie du travail, lui est venu me rejoindre chez moi, il s'est pointé avec le ballon du McDo pour me l'offrir. Mais non. Le ballon de quoi? Le ballon du McDo. Mais il l'a même pas acheté, hein. C'est le. Attends. Là, si tu veux, s'il y avait un prix top ringard, je pense qu'il aura la médaille d'or. Imagine. Ah ouais, non, mais totalement. Non, mais là, je l'ai regardé, je me dis, mais tu veux chasser quoi avec mais toi? T'avais quel âge? T'avais 12 ans? Ah non, non, j'en avais 20. Ah ouais, ouais. C'est le genre de mec qui te ramène le jouet du Happy Meal, quoi. Oui, hein, et surtout qu'il en avait 27, quoi. Ah ouais, carrément. Et il était persuadé que t'allais craquer devant le ballon? Ah ouais, je crois, ouais, mais je sais pas ce qu'il lui a qu'est-ce pris. Que t'as fait qu'est-ce que t'as fait? Tu t'es barré, t'as hurlé, t'as fait quoi? Et je fais, mais tu fais quoi avec ça? On n'entend pas ce que tu dis. Non, mais elle est morte de rire, 1%. Bah oui, Paloma. Ah ouais, non, mais j'ai rigolé encore, j'en rigole encore. Non, mais c'est jamais qu'il allait. Et comment il a réagi devant ta réaction? Ben, en fait, il était venu, du coup. Ah bah oui, non, tu m'étonnes. On l'embrasse, s'il nous écoute. Il doit fondre en larmes, le mec. Ah oui, oui, surtout que je l'ai quitté, moi, après, quand je suis partie en Italie, quoi. Donc bon. Tu vois, si tu veux, je suis désolé, mais des ballons de McDo, c'est pas très romantique et c'est pas très poétique non plus. Mika, t'es là? Salut Mika. Ouais, salut Mika. Oh, toi, t'es un romantique, toi, Mika. Moi, ouais, pas vraiment. Ah bon, pas vraiment. Ah bon, t'es, ouais. T'es un bourrin? Pas un bourrin, mais je suis pas un sentimental comme les deux qu'il y avait avant. Et Adrien et Jérémy. Alors qu'est-ce que tu voulais dire, toi, Mika? Ben moi, une fois, on m'a écrit une lettre, sauf que c'était complètement décalage avec ce que moi j'attendais. C'est-à-dire que moi, j'avais déjà des doutes sur ma relation, et là, recevoir une lettre pleine de fautes. J'ai pris conscience que finalement j'avais rien à faire avec cette personne. Ah, il y avait des fautes, alors tu t'es dit c'est pas possible. Ah ouais, non, ça m'a piqué les yeux, c'était horrible. Ah, faut une grammaire parfaite pour sortir avec toi. C'est-à-dire, non, pas parfaite. Un bécherel ambulant. Tu veux dire quoi, que c'était proche de l'illettrisme? Ouais, voilà. Ah oui, quand même. C'était en langage texto, mais quand c'était payant, les textos, quoi. Donc, c'est horrible. T'es con. Je vois très bien. Non, mais voilà. Mais t'as raison, en fait, c'est ce que tu disais, Doc, c'est le décalage. C'est-à-dire que si tu fais des poèmes et que la nana, elle est à fond sur toi, ça passe nickel. Mais si elle n'a pas les mêmes sentiments. Elle ne peut pas être à fond sur toi le premier jour. Donc, il faut mieux attendre, en tout cas. Faut pas envahir l'autre comme ça. Dans une relation, il faut savoir consolider le lien. Voilà. C'est beau. Vachement beau. Ouais. Adrien, j'espère que t'as tout retenu. Oui, j'ai retenu, ouais. J'ai pris quelques notes. T'as pris quelques notes? Oui, tout à fait. On te retrouve bientôt pour ta prochaine lecture de poèmes. D'accord. Écoutez, j'arrive en bas de la radio en ménestrel, vous chanter quelques avec, poèmes. Avec grand plaisir. Viens nous chanter. Je pense que le prochain poème sera pour une autre. Tu reviens quand tu veux, Roméo. Salut Roméo. Et on embrasse aussi Mika, Paloma, Jérémy. Vous revenez quand vous voulez. On sera avec Lucie dans un instant dans Love in Fun. Lucie, 16 ans d'Orléans. Bonsoir Lucie. Salut Doc et Karel. Salut tout le monde. Salut. T'étais déjà passé à l'antenne, toi? Oui. Je te sens là.

finalement je m'en fous. Je m'en fous, je m'en fous, je m'en fous. Laisse-moi va faire un tour. J'entends plus, je fais le tour. Je m'en fous, je m'en fous, je m'en fous. Laisse-moi va faire un tour. Pourquoi tu me tournes autour? Je m'en fous. Laisse-moi va faire un tour, j'entends plus, je fais le sourd. Je m'en fous, je m'en fous, je m'en fous. Laisse-moi va faire un tour, pourquoi tu me tournes autour? Laisse-moi faire mes affaires, je te laisse faire des efforts. Quitte à tout foutre en l'air, ouais au fond, je m'en fous, rien à faire. Tu as raison, oui j'ai tort, moi je préfère me taire, ouais au fond, je m'en fous. Et du fun. 20h, 22h. Sur Fun Radio. N'oubliez pas, hein, si vous voulez participer au concours qu'on a lancé là pour gagner plein de t-shirts Karel & Co. C'est une marque de fringues. J'ai rien à voir avec ça hein, d'ailleurs. Hein, sont, oui, mais voilà, j'ai content de l'avoir. Des personnes qui sont venues parce ici. Parce que maintenant, ils se baladent dans la radio. Il y a quand même des t-shirts à son nom, il les offre. Putain, mais c'est que tu racontes. Star, quoi. Mais c'est pas vrai, putain, Doc. Ah, pourquoi tu veux me faire passer pour quelqu'un que je ne suis pas? Il est jaloux. Il est jaloux, putain. Non, même pas. Mais... Alors, si vous voulez faire une marque de fringue, appelez ça Doc. Même on prendra du Tipex, on écrira Doc sur un t-shirt noir. Bah, voilà, pour faire plaisir à Doc. Ah, bah oui. Je trouve qu'en revanche, leur idée est très bonne. C'est vrai que t'as rien à voir avec ça. Je trouve que leur idée est très bonne et je les ai trouvés très dynamiques, très sympas. Enfin, voilà. Carrément, carrément. On les embrasse. Il y avait Mohamed. Son pote, c'était. Baba. Baba aussi. Et alors, ils ont créé leur marque de fringues. On les aide un petit peu. Et si vous voulez repartir avec des t-shirts, vous tweetez avec le hashtag LoveInFun. Vous likez la fanpage de l'émission si ça se passe aussi sur le Facebook de l'émission. Et vous partagez le post qu'Alice a posté tout à l'heure. D'ailleurs, on va lire vos messages sur les réseaux sociaux. C'est parti. On a reçu un message de Julien qui se pose beaucoup de questions parce qu'il a la peau très grasse et les cheveux gras. Il se demande comment faire pour remédier à tout ça. Mais bien sûr, c'est la séborrhée liée en partie à ces questions hormonales, bien évidemment. Donc, il y a une forte stimulation. Il faut utiliser des produits qu'on appelle non comédogènes et des pommades qui protègent un peu. C'est tout, mais il n'y a pas grand-chose à faire au début. Ça va s'arranger avec le temps. Et un autre message de Léa, je ne bois jamais d'eau. Est-ce que ça peut être grave? Ça sert à quoi de boire de l'eau? S'hydrater, et c'est essentiel. Si on n'est pas bien hydraté, on n'est pas en forme. Et il y a beaucoup, il y a 2/3 des écoliers par exemple, des collégiens, qui sont en état de sous-hydratation à la journée. Merci Doc. 1,5 litre de flotte par jour. J'ai pas dit d'alcool. Hein. J'aimerais qu'on lance une petite alerte, Doc. Une alerte au bouton, parce que là, c'est bientôt l'été. Voilà, c'est-à-dire, c'est l'été. Tout le monde va bronzer, etc. Quand on a de l'acné, Doc, faut faire attention. C'est une maladie. 50% des adolescents sont porteurs. Mais le soleil sur les boutons. Alors, le soleil, au début, ça a un effet positif. Après, la peau épaissie. Plus de boutons. Oui, moins. Et quand tu reviens comme la peau est épaissie, puisqu'elle a bronzé. À la rentrée. Là, c'est la catastrophe. Ah, c'est la catastrophe, mais un truc de dingue. Non, mais vraiment, quoi. Méfiez-vous. Et les petits conseils pour éviter ça, Doc, c'est de se protéger, en fait. Il faut se protéger du soleil, ça, c'est essentiel. Mais surtout, aller voir un médecin, un dermato, pour mettre en place un traitement sérieux, efficace, qui doit être certes un peu long, mais qui peut permettre de guérir définitivement. On a Lucie qui est avec nous, 16 ans d'Orléans. Salut, Lucie. Salut. T'étais passée sur l'antenne il y a quelques mois, il y a 3 mois à peu près, oui. Pour nous parler voilà, de harcèlement, de chantage, en fait. Raconte-nous, rappelle-nous un petit peu ce qui se passait là, à l'époque. Ben, en fait, j'étais amie avec une fille, je lui avais dit que je sortais avec une fille, ouais. Et elle m'a... si je ne faisais pas ce qu'elle dit, elle le disait à tout le monde. C'est ça. Et c'est ça que j'avais dit. Tu penses que tous les jours, on t'embête, on te fait des choses méchantes, on te bouscule, on fait quoi? Tant qu'elle ne l'avait pas dit, ça allait très bien, mais... En fait, c'est ça, c'est que tu avais peur, en t'ayant confié à elle, qu'elle balance tout, quoi. Mais ouais. Je voudrais juste savoir, est-ce qu'il y a des gens qui te font du mal? Non. Donc, qui te fait, pourquoi tu appelles là? Parce que personne ne te fait de mal. Écoutez, Doc, voilà, elle s'est confiée à une amie. J'ai bien compris, mais dans quel sens? C'est du chantage, c'est du harcèlement quelque part, Doc. Non, non, attends, je voudrais savoir ce qui se passe exactement. Qu'est-ce qui se passe exactement avec J'ai plus voulu accepter son chantage et elle l'a balancé à tout le collège. D'accord. Et maintenant, comment réagissent les autres? Comment réagissent les autres du collège? Ils ont réagi très mal. On te dit quoi, en fait? On m'a dit que je méritais pas de vivre. Alors, qui t'a dit ça? Un groupe de garçons. Combien de temps ils te l'ont dit? Une fois? Une fois, oui. C'est pas du harcèlement. Des situations comme ça, c'est des situations fort désagréables, c'est de l'homophobie. Hein, ça porte un nom très simple et effectivement ça n'entraîne pas des réactions répétitives. Je rappelle que le harcèlement c'est 3 semaines minimum, au moins lorsqu'on est dans une situation où on est en permanence source de brimades, de méchanceté, de coups, de raquettes, de tout ce qu'on veut. Et bien sûr en situation d'être dominé face à des dominants, en général ils sont en groupe. Quand c'est pas ça, c'est effectivement de l'homophobie. Est-ce que tu as l'impression que cette homophobie finalement s'exprime quasiment tous les jours? Pendant un temps, oui, mais maintenant je... Donc maintenant, ça va mieux, ok. Bah oui, parce que pour l'instant, j'existe plus, pour les autres, tout le monde m'ignore. Oui, ils peuvent t'ignorer, certainement. Mieux tu vois, Doc, tu dis que c'est pas du harcèlement, mais l'ignorer, c'est pas ça. En tout cas, Lucie se sent super mal dans sa peau à cause de ça. Tu es mal dans ta peau parce que tu as dévoilé ton homosexualité, et cela a entraîné ce qui est tout à fait, évidemment... un problème, hein, c'est de l'homophobie pure et dure, un rejet. Et ça, c'est une autre chose. Et il faut que tu puisses effectivement peut-être contacter des associations d'homosexuels qui vont déjà te conforter dans l'idée que tu n'es pas la seule déjà et que comment te positionner. À un moment donné, il faut que tu t'affirmes. Hein. Alors, je vais te dire quand même, la majorité des gens n'est pas homophobe. Il ne faut pas non plus exagérer. Mais tu peux tomber par hasard sur un groupe, s'ils sont 5, 6, 7, c'est effectivement un peu pénible parce que tu es rejeté. Sur des cons. Oui, bien sûr. Du temps. On a Inès qui voulait dire un truc. Inès, t'es là? Oui, je suis là. Salut l'équipe. Salut. T'as 15 ans, t'es à Perpignan, Inès. C'est ça. Je voulais réagir par rapport à ce que dit Lucille, parce que j'ai été harcelée moi-même pendant 3 ans, à peu près. Oui, ça c'est autre chose, oui. Et quel genre de harcèlement? C'est moral, en fait. Oui, c'est ça. On se moquait de toi, on disait des méchancetés, et c'était tous les jours. C'est ça, exactement. Ouais. Ça, c'est du harcèlement, oui, bien sûr. Et comment t'as vécu ça? Je me suis enfermée sur moi-même. D'accord. Puis les notes aussi, ça allait avec. Bien sûr, les notes ont baissé. Est-ce qu'à un certain moment, t'as manqué l'école parce que tu ne pouvais plus y aller à cause de ça? Ben non, parce que j'en parlais pas à mes parents, du coup, ils pouvaient pas le savoir. Et comment ça s'est arrêté, alors? Au bout d'un moment, j'en ai eu marre, je suis rentrée en pleurs chez moi, et puis... J'ai tout avoué à mes parents. Sur le coup, ils ont voulu me faire changer de collège. Ouais. Et puis je leur ai dit non, c'est pas ce que je veux, en fait. Et donc on en a parlé avec le proviseur. Et je voulais dire que rien que le fait d'en parler aux autres, ça enclenche des choses. Et puis on croit que tout va s'empirer, mais en fait pas du tout. Tout à fait. Donc il faut en parler. Ce qu'elle dit là est essentiel. Ouais. Très souvent, on veut résoudre le problème soi-même, les autres font pression. Alors, si tu en parles, tu verras ce qui va t'arriver. Puis en fait, quand des adultes, car c'est les adultes qui doivent intervenir, c'est pas à vous à régler le problème. Et en général, ça suffit déjà d'aller expliquer au groupe de harceleurs qu'ils font beaucoup de mal, ce dont ils n'ont pas forcément conscience. Il faut quand même bien le dire. Ils font pas ça, ils font simplement pour s'amuser, parce qu'ils pensent que c'est drôle. Et quand on leur explique effectivement les relations avec les autres, c'est aussi basé essentiellement sur le respect de l'autre. Il ne s'agit pas d'être ami si on n'a pas envie d'être ami. Et déjà, ça va un peu mieux, ce d'autant que quelquefois, ça arrive, 7-8% des harceleurs ont été harcelés. Voilà. Bah, écoute, c'est un beau témoignage, en tout cas, Inès. Je rappelle, oui, c'est un beau témoignage. Merci, parce que ce que tu dis est essentiel. Donc, parlez-en à vos parents si vous êtes dans cette situation-là. On va rappeler le numéro de SOS Harcèlement et sur le site. C'est le 3020. 3020, c'est très important. Vous pouvez appeler, vous allez tomber sur des spécialistes qui vont analyser votre situation et bien sûr vous conseiller. D'accord. Merci beaucoup, Inès, en tout cas, pour ton témoignage. Et Lucie. Lucie, j'espère que tu vas remonter la pente, là, quand même. Hein. L'homophobe, oui. Vas-y. En fait, j'en ai parlé à mes parents ce soir et je vais aller dans le collège avec la personne avec qui je sors, normalement. D'accord.